Vas-y, go ahead. Eh bien, bonsoir, amis rôlistes. Et donc, du coup, bienvenue pour cette deuxième session de Terreur sur l'Orient Express avec nos enquêteurs hors pair. Comment allez-vous? Très Ça bien. marche? Bien, bien, bien. Super. Vous êtes prêts pour la suite des événements? MJ, Oui. un truc que je tiens à dire, peut-être on n'a peut-être pas fait aussi, c'est les lancers de dés, si on avait Oui. réussi des capacités. Oui, Alors, je dis ça après, c'est. ne vous inquiétez pas. On va faire ça. Alors, déjà, je vais vous mettre une musique d'ambiance ambiancée, voilà, pour commencer. Voilà. Donc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit. Bon, on peut commencer par. Alors, je suis allé sur vos fiches un peu avant qu'on joue sur les fiches de Fantasy Ground et j'ai coché directement ce que vous aviez réussi comme dé, comme jet avant. Donc, je crois que, mis à part toi, Emilio, vous avez eu tous du jet de toc J'ai eu du jet de toc réussi. aussi. Oui, mais J'ai. toi, tu as jet de toc et tu as persuasion aussi, parce que tu Oui. avais persuadé quelqu'un à l'université. Pour les autres, je pense que ça n'était resté que sur du Toc. jet de toc. Sûrement, ouais. Pour moi, c'est toc, ça c'est sûr. Voilà, donc j'ai coché pour chacun de vous toc. Donc, en fin de scénario, on pourrait tirer sur toutes les compétences où vous avez réussi un jet. À savoir que pensez bien à chaque fois, parce que moi je vais pas à chaque fois me rappeler de vous dire, de vous le répéter. Si vous réussissez un jet, pensez tout de suite à aller le cocher si c'est pas fait. Et s'il est Voilà. déjà coché? S'il est déjà coché, il est déjà coché. C'est une seule fois D'accord, par c'est une seule fois scénario. par scénario, d'accord. Ouais. Donc pensez-y parce que moi honnêtement je vais pas à chaque fois tu vois quitter genre attention à te faire cacher attention à te faire cacher non. Donc pensez-y vraiment de le faire Très bien. sinon là ce qu'on va faire c'est que normalement ce qu'on aurait dû faire la dernière fois qu'on n'a pas fait c'est que vous auriez dû tirer un jet de chance pour voir si vous pouvez gagner de la chance. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez tirer un jet de chance. Et si le jet de chance est un échec, eh bien, vous pourrez tirer Un des 10, un je des crois. 10. Voilà, exactement. Je me souviens que j'ai utilisé un point de chance. Ah C'est bah. terrible. Est-ce que tu veux utiliser des points de chance pour ce jet, tu sais? Yes! Ah non, c'est si c'est un échec, merde. Mais oui. Exactement. Oui. Ah, Donc trop là, l'habitude tout le d'être content de faire des monde. réussites. On a Et ben, vous raté. avez tous réussi, à croire que c'est pas. Vous avez Mais pas à assez point perdu de. près. On a gagné à Donc. Kinder, là? Vous avez rien gagné, vous avez gagné le droit de continuer à jouer normalement. C'est déjà bien, Bah, c'est c'est parfait, je au suis moins là pour joué. jouer donc. Voilà. Donc, vous avez bien la musique, vous l'entendez bien. Enfin, voilà, c'est une Ouais. musique très simple, très cool. Voilà, tout ça. Et Cool, je sais pas trop, mais. bonsoir, Abolas. donc, on va pouvoir commencer. Je vais vous demander ce que vous souvenez, vous, de votre côté, de ce que vous avez réussi à faire, enfin, ou à tout ce que vous avez trouvé dans cette première session, pour un peu faire le résumé et vous rafraîchir un peu la mémoire. J'ai trouvé que j'étais un peu trop riche, je crois. Ah, ouais, ça. Après, tu peux léguer toute ta fortune, hein, y a pas de problème si tu veux perdre. Comme ça, Enfin, d'un tu. coup de tête, ouais, Voilà. et puis j'irai migrer à Dunkerque et Voilà. finir mes jours là-bas. Alors, commençons. Comme ça, on va essayer de pas trop perdre de temps. Donc, qu'est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que vous avez récupéré comme info dans la première, enfin, sur la première session? Bon, j'ai pris des notes, donc je pense que c'est moi qui colle aussi. J'avais laissé des notes. Alors, je peux faire un résumé en fait très concret de ce qu'on a vu. Hein. Je passe présentation, tout ça. Donc, Oui, en bien sûr. fait, dans la nuit du 6 janvier, il s'est passé un incendie chez Monsieur Smith. ce même professeur qui nous a invités au club des gentlemen de l'Orient Express. Il y a eu un incendie chez lui. Son valet était vu en train de fuir la maison, le domicile. En même temps, mais au même moment, c'est un malheureux hasard, trois hommes turcs, apparemment portant les mêmes pièces d'identité, sont morts assassinés d'un poignard dans le cœur. Et ça, messieurs, c'est quelque chose d'important parce que cet homme, enfin, on a vu quelqu'un d'origine peut-être turco-arabe lors d'une conférence de M. Smith. Coïncidence, je ne crois pas. Donc, l'incendie est probablement criminel. On est allé sur le lieu du crime, on a un peu vérifié tout ça. Grâce à notre ami je tiens à le dire, Emilio, on a aussi quelques indices et on arrive à avoir, enfin, on arrive à avoir une lettre du professeur Smith, enfin, une lettre nous est déposée, demandant un rendez-vous dans un lieu à l'extérieur de Londres, dans les bas-fonds, enfin, les bas-quartiers de Londres. C'est alors qu'on a vu le professeur Smith. Alors, je note qu'il a été brûlé au centième degré. Je ne sais pas si c'était totalement exact, mais tout du moins... très extrêmement brûlé, visage et corps, oui. Ouais, j'ai mis vision de cauchemar et j'ai de... mental. De santé mentale, oui. J'ai de SM. il nous a parlé, du coup, dans son cahier, qui ne doit pas être pris par les Turcs, une secte essaye de refaire un truc qui s'appelle le Simlac de Sedeftar, si je le prononce. Sedeftar. Ce qu'on va faire, c'est que suite à un petit souci technique pendant le live de ce samedi d'il y a deux semaines, la vidéo n'a pas... Enfin, au niveau du son, on a perdu le son. Donc, du coup, les gens qui étaient sur le live, a priori, n'ont pas entendu la scène avec le professeur Smith, quand vous l'avez retrouvé. Du coup, pour des soucis pour les viewers, parce que vous l'avez fait, donc c'est pas un souci, mais on va quelque peu la refaire, cette scène. Et en même temps, ça posera un peu les bases. Ça vous mettra dans l'ambiance. Hein, ça va vous remettre dans l'ambiance dans laquelle vous êtes à ce moment-là du truc. Et comme ça, ben voilà, ça permettra de. Puisqu'en plus, je crois que Maxime, enfin Shedren, il a loupé un petit bout parce que comme son truc, il a sauté. Donc ça lui permettra lui aussi un peu de se mettre dans le bain. Et moi, à m'obliger de faire de l'acting, ce que j'adore, bien sûr, vous le savez très bien. Voilà. Donc là, du coup, vous en êtes. On va dire que. Est-ce que tu te rappelles plus à peu près où ça a coupé où le... Je crois que c'est exactement quand on fait nos jets de santé mentale. Hein. Exactement. En fait, c'est. De toute façon, mon personnage, de toute façon, était un peu éloigné du personnage. Il l'a pas vu de ses propres yeux, donc c'est pas très grave pour le RP. Mais ça a coupé à ce niveau-là, en fait, effectivement. Donc la petite conversation qu'il a eue sur son lit de mort. Du coup, moi, je l'ai pas eu. Ni les spectateurs. D'accord. Eh bien, écoutez, on va reprendre là alors. Si c'est là où vous avez eu des problèmes. Donc, vous êtes allé dans ce fameux quartier un peu insalubre où se trouve le professeur Smith et son majordome Beddoes. Et vous êtes arrivé dans un appartement très... très insalubre, lui aussi mal famé. Vous sentez vraiment que c'est un quartier vraiment cracra. La pauvreté est vraiment importante. Et donc vous êtes entré dans cet appartement. Vous voyez que Beddoes, lui, possède, enfin, a des mains bandées, des gros bandages. Donc vous imaginez peut-être les résultats de brûlures suite à l'incendie. Et vous avez noté que dans un lit au fond de la pièce, donc une pièce très sombre avec les bougies qui donnent un peu un effet tamisé un peu à la scène, ça fait quand même quelque chose d'assez glauque, hein, c'est très... Enfin, bref. Et vous voyez, dans le fond, du coup, une personne qui est allongée sur un lit. Et donc, c'est Peter qui s'est avancé, je crois. Non, c'était pas moi en premier. Non, c'était qui s'est avancé. Deux personnes. Tu avais Nelson qui s'est avancé. Celui qui a défoncé la porte en premier. Il y a quelqu'un qui a défoncé la porte. Et... Non, j'ai défoncé la porte et resté moi sur. Ouais, parce que oui, Emilio lui avait eu des doutes sur Widows. Moi je sais que je suis rentré, peut-être pas en premier, mais c'est pas grave. Ouais, donc on va dire que c'est Nelson qui s'est avancé. Il s'est dirigé vers son ami. Qui s'était dirigé vers son ami soucieux de sa santé. Et tu vois donc avec horreur, tu as eu avec horreur ces brûlures très importantes. Tu peux remettre l'image. Vous les avez normalement, donc après Maxime, l'image est partagée normalement dans les images ouais, et cartes. Tu peux nous le renvoyer, l'image, si tu fais clic droit et comme si tu faisais partager à tout le monde. Ah ok. C'est le premier icône à gauche, je crois. Ouais. Alors je vais essayer de pas vous envoyer les scénarios. Ah hein, voilà, hein. Vas-y, renvoie. Parce que je t'avoue que... Voilà, là on le voit. Voilà. Et à Bolas, on ne se moque pas. Oui. Ah, lui aussi il le fait, donc. Donc, vous voyez donc cette vision d'horreur... Enfin, tu vois, Nelson, cette vision d'horreur avec un... Ah, mais qu'il est gros. Un professeur Smith complètement brûlé, méconnaissable. Donc ça va même jusqu'à... Tu vois le haut de son corps qui est brûlé gravement. Et... Un professeur qui est très comment dire affligé. Enfin, il est un peu recroquevillé sur lui-même, mais en même temps, il peut pas trop bouger parce que comme il est brûlé, bah, tout le moindre de ses mouvements lui font d'atroces douleurs. Même sa respiration, le simple fait de respirer est c'est atrocement douloureux. Et il est suivi. Par Peter. Peter, là, un petit jeune qui n'en veut. Ah, moi, j'ai pas trop apprécié non plus. Hein. Et toi aussi, hein, enfin, vous avez quand même de souvenirs résister à la vue. Enfin, en gros, vous avez réussi votre jet. Vous avez réussi votre jet hein, pour rester dans le jeu. Hein. Mais quand même, ça vous a quand même un petit peu. Un peu. Je cache un peu mon nez avec. Voilà. Pour les odeurs, faire brûler. Du coup, vous voyez qu'il se relève un petit peu, tant bien que mal, avec difficulté. Et qu'il s'apprête justement à vous parler. Merci d'être venu. Je ne peux pas parler très longtemps car comme vous pouvez le voir, je suis bien mal en point. Mais Widows s'occupe bien de moi. Vous voyez d'ailleurs sur le côté, sur la table de chevet, plein de produits de soins, enfin des crèmes, des onguents. L'opium. L'opium, je pense pas, mais voilà, des choses qui pourraient atténuer les douleurs, mais oh, ça peut être un opiacé. Enfin, voilà. Et donc, il reprend. Enfin, nous avons eu la visite de personne dans ma propriété à St. John's Wood. Et ce sont des Turcs qui qui nous ont attaqués. Ils s'en sont pris à nous physiquement. Je pense qu'ils ont essayé de nous tuer. Et je pense qu'ils en avaient après mes recherches. Bidouz m'a sauvé. Sinon, je pense que je ne serais pas là pour parler avec vous en ce moment même. Nous avons réussi à fuir, mais ils ont tout brûlé. Je pense que vous avez dû peut-être entendre parler de cela. Oui, on a vu la maison, on a construit. Vous écoutez, en faites pas, ces personnes ne font plus aucun mal, je pense. D'accord. Écoutez, je dois vous avouer que depuis quelque temps, je travaillais sur les, je faisais des recherches sur un artefact occulte. Un artefact maléfique qui s'appelle le simulacre de Sedefkar. Il s'agit d'une statue qui a des grands pouvoirs magiques. Comme vous l'avez vu à ma conférence, j'ai dans un premier temps démonté les de vulgaires usurpateurs de faux des bonimenteurs. Voilà, des bonimenteurs. Mais je sais qu'il y a là de vrais du vrai occulte, de la magie noire ou maléfique qui peuple ce monde, et c'est ce que j'ai voulu faire en essayant de trouver ce simulacre. Ce simulacre a été donc démantelé à la fin du 18e siècle et éparpillé à travers l'Europe. Je voulais justement trouver tous ces morceaux pour les détruire. Il faut les détruire, c'est très important. Si ça tombait entre de mauvaises mains, eh bien, ça pourrait mettre en danger un nombre incalculable de vies. Et c'est pour ça que j'avais fait cette conférence, pour essayer d'attirer des gens susceptibles de m'aider. Mais je n'ai pas eu le temps. Ces personnes m'ont attaqué avant que je puisse rencontrer des gens susceptibles de le faire. Savez-vous qui sont ces personnes ? Ils veulent du mal ? Savons qu'elles sont turques ? Mais écoutez, elles sont partout. Je sais pas, peut-être avez-vous noté, peut-être vu des choses bizarres ces derniers temps, je ne sais pas. Mais je sais que c'est une organisation très bien organisée pour le coup. Et ils surveillent les moindres faits et gestes de certaines personnes et... Je n'ai pas vu les choses là. Ça a été trop vite pour moi. Dites-moi, combien de morceaux est éparpillé cet art? Alors, j'avais des notes mais je pense qu'elles ont été détruites dans l'incendie. À moins que ces Turcs les aient volées. Il ne faut pas qu'ils mettent la main sur ces pièces. C'est très important. Et je voudrais que... Je sais que c'est peut-être trop vous demander, mais je voudrais que vous les trouviez pour moi. Je le ferai. Je le ferai. Je vous remercie. Alors, là, tu vois qu'il est vraiment mal. J'ai noté, avant que vous arriviez avec Bidoz, tout ce que vous devez savoir sur le simulacre. Là, je suis trop faible pour vous en parler, mais j'ai donné à Bidoz la note et tout est écrit. Il va vous transmettre les données. Vous allez pouvoir consulter tout cela. Et tu crois qu'il appelle Bidoz, enfin, il est... Et puis tu vois qu'il a... Vous voyez Bidoz qui arrive avec effectivement un papier. Attendez, je vais... Voilà. Et qu'il a dans les mains. Donc non, ce n'est pas le scénario. Je me rappelle de cette information là, du coup. Et si vous permettez, je pense que je vais essayer de me reposer un peu. Je suis trop, je suis trop épuisé, trop mal en point. Mais Bidoz va voir ça avec vous. vous allez pouvoir en discuter plus. Et tu vois que il se remet un peu allongé et il ferme les yeux pour se reposer. Donc Bilos se met au milieu de vous tous et donc vous met le papier en face de vous. Et donc il vous dit voilà que le simulacre, car donc comme l'avait mentionné le professeur Smith, qui est une statue qui a été démantelée donc à la fin du XVIIIe siècle et éparpillée à travers l'Europe. Cette statue a été démembrée à Paris juste avant la Révolution française. Il est possible qu'un morceau se trouve encore en France d'ailleurs. Le propriétaire de cette statue était un noble qui s'appelait le comte Fenelic. C'est d'ailleurs mal écrit. C'est pas grave. T'es pas censé le savoir. Je l'ai déjà fait la remarque. C'est pas grave. Nessol ne sait pas comment s'écrit Fenelic. Les soldats donc de Napoléon en ont apporté un morceau à Venise lorsqu'ils ont envahi la ville. Donc il est peut-être possible qu'il y ait aussi un morceau à Venise. Il y a un autre fragment qui s'est retrouvé donc à Trieste à la même époque, mais personne ne sait ce qu'il est advenu de ce morceau. Et il vous faudra chercher une personne du nom de Johann Winckelmann dans ce musée à Trieste. Peut-être que lui. Trieste, c'est en Pologne, c'est en. Non, c'est en République tchèque. En Hongrie. Ouais, c'est dans les pays de l'Est. c'est pas cher. Ah non, c'est Italie. C'est... Ah bah bien. Ah bah non, bah oui, c'est très. Mais oui, c'est la frontière. Après, c'est pas loin justement. C'est oui, à Trieste, oui, exact. Tiens, oui, moi je connais pas la géographie. En plus, Trieste, ça fait pas vraiment un pays d'Est. Ouais, Non, c'était ton fantasme de dire ça. Ouais, je voulais faire genre celui qui s'en racontait, mais en fait, je connais pas mieux. Donc il vous faudra aller à la rencontre de Johann Winckelmann dans un musée qui est à Trieste, qui lui probablement aura peut-être des infos à vous donner par rapport à ça. Il est probable qu'il y ait un morceau au royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Et donc du coup, il faudra commencer au musée national de Belgrade, où vous trouverez le professeur Milovan Todorovic, qui en est le conservateur. Et Belgrade, situe en Croatie, non ? Belgradi. Belgradi. Mais en Serbie, voilà. Donc, vous savez, il vous dit d'ailleurs qu'aussi il y a un morceau qui a été perdu près de Sofia durant la guerre en 1875. Que à cette époque, les objets de valeur étaient cachés aux envahisseurs, donc il est fort probable qu'ils aient enterré le morceau quelque part. Je ne sais pas où, mais quelque part. Vous avez aussi donc un morceau qui était en circulation à Paris guerre qui a été vendu à quelqu'un habitant Milan. Milan qui se trouve en Milanie. Voilà. Donc probablement un morceau à Milan. Et après seulement, il vous fait part du seul moyen que vous avez pour détruire cette statue, puisque même une action physique sur la statue, a priori, ne permet pas de la détruire. Donc, le seul moyen de la détruire est de la ramener à son emplacement original, qui se veut être Constantinople, et qui est donc dans une mosquée, qui est la mosquée désertée. Il existe un rituel qui permet de détruire totalement la statue, et que ce rituel est dans un document qui est appelé le parchemin de Sedefka. Voilà. Nota bene, parchemin de Sedefka. Bidos, jeu de piste. Bidos vous dit en plus que si vous allez à son bureau à l'université, il est probable que vous pourrez trouver peut-être un bouquin où il a écrit des choses dessus, des notes, et que vous pourrez l'utiliser à cet effet. Seulement, il vous conseille de prendre le temps de le lire parce qu'il est assez gros. Donc, quand vous aurez un peu plus il y a un moment où vous pouvez tranquillement lire tous ensemble et prendre des notes, donc il faudra vraiment vous poser pour ça. Donc le mieux, c'est une fois que vous vous dirigerez en direction de Paris, prenez le temps, dans le train ou je ne sais quoi, pour le lire. Je sors quand même le bouquin pour lui montrer déjà. Vous l'avez trouvé alors, vous avez su comment qu'il était là-bas? Enfin... On l'a trouvé, ouais, j'ai vu ça dans les notes, je me rappelais pas du bouquin, mais c'est lui qui a dû le trouver tout seul, comme un grand. Ok. J'avais réussi à rentrer dans... Votre assistante est très sympathique. Écoutez, heureusement que c'était vous, parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est bon, ça, j'ai préféré sécuriser vos recherches. Enfin, ce ne sont pas les miennes, mais... C'est monsieur derrière, mais oui, tout à fait. Eh bien, tant mieux, vous n'aurez pas besoin de... Voilà, alors du coup, je vous conseille d'essayer de trouver le plus d'informations possible avant de vous éparpiller un peu partout. Donc, essayez d'aller faire des recherches soit à l'université, soit à la bibliothèque du British Museum, voire même à la bibliothèque de l'Oriental Club, puisqu'elle en possède une. Voilà, essayez de votre côté d'essayer de faire le plus d'informations possible avant de vous lancer là-dedans. La maison a brûlé. Quand? C'était le 6 janvier qu'elle a été brûlée, la maison. Oui, c'était hier. C'est ce que j'ai noté. Donc, c'était hier. Il a plu entre temps. C'était grisâtre, j'ai aussi noté ça. En ce moment, ouais, c'est très... Londres, c'est très versatile, tu vois. Genre là, il pleut pas, mais dans 2 heures, il peut plus. Si jamais je vais aller retourner dans les ruines en cendres de la baraque, est-ce qu'il est possible de récupérer des morceaux de papier, des trucs comme ça? Ou alors c'est trop humide, ou alors ça a été balayé par le vent, je sais pas. Bah, il me semble que vous étiez allé déjà fouiller et que vous n'avez rien. On n'a rien trouvé. Hein. Vous avez trouvé peut-être les bouts, enfin ce qui a servi à peut-être mettre le feu dans la maison, mais vous n'avez pas trouvé de choses intéressantes. Que des morceaux de papier calciné, mais inutilisables, quoi. Vraiment jauni, tout noir. Noirci, ouais. Noirci, voilà, pardon, c'est le mot. Noirci par l'incendie. Donc en gros, c'est vraiment, il y a vraiment plus rien à tirer de ce qu'il y a au niveau de la maison. Donc là, honnêtement, Bidos vous dit, essayez d'aller faire des recherches dans les divers établissements, que ce soit l'université, la bibliothèque du British Museum, voire de l'Oriental Club. Avant de qu'on se sépare ou alors on tous dans un coin pour bien chercher. Là, il se fait un peu tard déjà, je pense que... Je voulais juste proposer quelques aides qui soit Bidos pour lui et son maître. De la bouffe, des pansements. Vous inquiétez pas. Honnêtement, là, on discute ensemble, je vais m'occuper de lui. Par contre, pour sa sécurité, nous allons partir tous les deux dans un endroit que nous seuls connaissons. Et je ne préfère pas vous dire où nous allons aller, parce que voilà, si jamais vous étiez... je ne le souhaite pas, mais si quelqu'un venait à vous faire cracher le morceau, voilà. Donc pour sa propre sécurité et pour votre sécurité, je ne préfère rien vous dire. Mais je vous communiquerai de temps en temps par télégramme, nous allons essayer de notre côté aussi de trouver des choses et dès que nous aurons un peu plus d'informations, nous vous les transmettrons. Voilà. Juste. Oui. Indépendamment de notre volonté, on est trempé dans cette affaire. Cela. Ben malheureusement. Maintenant qu'on vous avait révélé certains. De ce que j'ai cru comprendre, vous avez l'air de dire que vous étiez déjà un peu observé par les Turcs. Donc malheureusement. Ils peuvent s'en prendre à nous. C'est bien ce que j'ai peur. Voilà, alors. Savoir ce que nous savons déjà grâce à nous. C'est un lourd fardeau qu'on devra porter tous ensemble. Après, peut-être voilà. de vous dire que vous ferez ça pour le bien commun, pour essayer de détruire quelque chose qui pourrait potentiellement tuer de milliers de personnes, voire plus. Je reste sceptique sur cette idée. Hein. Vous m'en excuserez. Non, mais je me doute bien que c'est quelque chose que vous. Ça dépasse ma connaissance. Mais je vois le réel danger que m'apportent maintenant ces nouvelles informations. Et je vois que maintenant, que ce soit moi, Emilio, Catherine ou Nelson, nous sommes maintenant des cibles pour ces Turcs. C'est fort probable, malheureusement. Bon, sachez que nous ne pourrons pas communiquer souvent. Enfin, nous ne pourrons pas du tout communiquer ensemble. Je ne pourrai de temps en temps vous envoyer des petits messages via Telegram, mais vous ne pourrez pas communiquer avec nous, malheureusement. Mais le professeur Smith a entièrement foi en vous et il est sûr que vous parviendrez à réunir tous ces morceaux et à les détruire, du moins il espère. Oui, très bien, très bien. Voilà, sinon... je crois que tout... Déjà, il est très tard, d'après mes souvenirs, on est arrivé... Il faisait nuit, ouais. Ouais, il faisait nuit. Parce qu'on est encore le 7, en fait, hein, je tiens à dire. Vous voyez que Beedos va au chevet du professeur et que le professeur lui dit quelque chose à l'oreille. Donc vous ne pouvez pas entendre. Et du coup, juste après ça, vous voyez Beedos qui se dirige vers un tiroir. Et qui l'ouvre ce tiroir et qu'il en sort une petite boîte et il se dirige vers vous et il ouvre la boîte devant vous et en sort de l'argent. Dedans, vous voyez la somme en billets de 5 livres et vous avez la modique somme de 1000 livres. Oh, c'est pas mal. Qui est énorme. Ça qui est juste énorme. Il est plus riche que moi. Il a dépassé ma fortune. Ça fait 250 livres par personne. On se les marque. Je pense que c'est intéressant. Après, tu peux... Oui. honnêtement, c'est plus pour dire on s'en fout de l'oseille, tu vois. Genre, en gros, vous avez 1000 livres. Je crois qu'on était déjà dans ce mood-là. Hein. Ouais, voilà. Mais en gros. Mais on en rajoute, tu vois, histoire de dire. Mais savoir que je devrais échanger ces livres et avoir des francs français ou, je sais pas, des dinars tchèques, ce sera intéressant. Enfin, moi, je me démarque. Alors, il arrive, c'est le professeur, qui me demande de vous donner cet argent. Que vous n'ayez pas à vous soucier de quoi que ce soit par rapport à cette expédition. Il les avait déjà préparés pour l'équipe qui aurait dû s'en occuper avant. Donc cet argent vous revient. Sachez qu'il était prévu que vous que les enquêteurs utilisent l'Orient Express pour se déplacer dans les différentes villes, puisque par le plus grand des hasards, l'Orient Express passe par les villes que vous devez faire, hein, vous devez visiter. Du coup, bah, je ne peux que trop vous conseiller de prendre ce moyen de transport. Et ceci devrait vous aider à le payer, hein, tout simplement. Sachez que oui, aujourd'hui, l'Orient Express est le moyen le plus rapide, le plus fiable et le plus luxueux de notre cher continent. Il y a, oui, certes, quelques avions maintenant, mais des ça ballons, reste... Des ballons, des comment, des dirigeables. Des dirigeables, c'est mais là. Ça reste encore... Voilà, chercher le mot. Voilà, vous n'aurez pas le confort d'un train de cette classe. Une fois que j'aurai une minute, je demanderai simplement à mon valet, fidèle valet, de nous réserver 4 billets pour le train. Plutôt que d'aller à la gare et de payer, non ? Mauvaise idée ? Bah après, vous savez pas combien de temps ça va vous prendre de faire les recherches là que vous allez faire sur Londres. Oui. Donc voilà. Voilà. Honnêtement, quand t'arrives, ça va très vite. Enfin, le train, l'Orient Express, c'est le train de luxe. Genre, il y a pas la queue pour prendre l'Orient Express. C'est pas le RER. Il t'attend quand t'es en retard le train, quoi, parce qu'il sait que t'as payé. Donc, en gros, y a très peu de gens qui vont prendre l'Orient Express. Hein. C'est genre le Titanic, tu vois. C'est un mauvais exemple. Non, mais il n'y a pas d'iceberg sur les rails, je crois pas. Mais dans le sens que c'est un... Je voulais pas dire... Enfin, un putain de luxe dans le Orient Express. C'est genre le top du style. Des lustres pas, je crois. Le Ritz avec des roues, tu sais. C'est le Ritz avec des roues, tu vois. Il y a même un cuisinier français. Voilà. Donc là, en gros, maintenant, il vous dit... c'est à vous de jouer, maintenant. J'espère que vous arriverez au but de la mission, hein, de pouvoir détruire cet immondice qui est le simulacre de CDFK. Voilà. Mais sachez que ne vous inquiétez pas pour le professeur Smith, je me charge de lui, je vais je vais me l'occuper de lui. Ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous partez ? Vous continuez à regarder le... j'attends son dernier souffle et puis on s'en va. Je pense qu'on va rejoindre on va rejoindre l'automobile et on va se retirer, se reposer chacun dans notre chambre. Bah, je pense qu'il se fait tard, donc moi... Une journée assez dure aussi, comme tout le monde ici, hein. Soit d'inquiétude ou de recherche dans les décombres pouilleux et sales. Du coup, je préfère qu'on fasse nos enquêtes après. Demain, fraîchement. Voilà. Le lendemain. D'accord. Bah écoutez, bah vous rentrez, vous saluez professeur Smith rapidement et vous rentrez donc dans le château de luxe de monsieur Nelson. Je pensais plus à un hôtel, je sais pas pourquoi, mais ouais, pourquoi pas. C'était là où vous êtes resté la plupart du temps. C'est là où ils ont leurs affaires, mais après, c'est pas là où on est le plus proche, quoi, je veux dire, je sais pas. Oh, ça va rapport, vite, hein. T'es pas non plus à 200 km de Londres, hein. Ouais, on est en calèche. et en plus, je dirais que Catherine a quand même besoin de se reposer dans un endroit... Approprié, un standing plutôt, voilà quoi. Oh là là. Donc vous retournez chez monsieur Nelson Westborough et donc la nuit se passe plutôt bien. Bon, vous avez quand même un peu de Vous faites pas des petits cauchemars, mais voilà, vous repensez un peu à tout ça. D'ailleurs, toi, Nelson, et toi également, Peter, vous revoyez dans vos rêves cet homme brûlé, qui vous fait un peu. Tu vois. Enfin, bref, petit cauchemar, quoi. Et donc, le matin, vous vous levez tous. Le petit déj est fin prêt pour vous. Voilà, il y a la haricorée. C'est aux aurores et puis la haricorée, tu veux dire la chicorée, parce que la haricorée est une marque qui a été déposée après. Ouais, écoute, moi c'est de la haricorée, ok. Bon. Tu retournes le pot, toi, tous les matins et tout. Voilà, le soleil vient de se lever. Ouais. Mais il fait pas beau, mais vous voyez clairement qu'il pleut. Oh merde. Ah, génial. Un bon temps londonien, tu vois. J'espère que Monsieur Smith va mieux. Hein. Il a qu'à aller dehors et tu vas voir, il va se. Alors, je tiens à dire, est-ce qu'on tient un petit scroom, vraiment une grosse mêlée pour savoir ce qu'on fait aujourd'hui? Mais je pense. Poser à plat vos données. Ouais, parce que là, on a quand même beaucoup eu d'informations en quelques secondes. Enfin, en quelques secondes. Je tiens à dire que je me sens pas trop en sécurité et que je sais pas pour vous, Catherine, mais. Disons qu'il faudra toujours être par deux et que peut-être que quelqu'un d'entre nous ait une arme à feu sur lui. J'ai ce qu'il faut dans une petite armurerie arrière. Si vous désirez vous équiper. Je ne sais pas trop tirer, malheureusement. Mais je peux. Oui, si. Ça si... peut toujours être dissuasif des fois d'avoir une arme. Voilà. Et vous savez, une femme comme moi est toujours. Prêt à se défendre, même si mes compétences en tir sont sûrement lamentables, j'ai au moins l'équipement. Je suis américain, mais je n'ai jamais tiré. Étonnant. Oui. Ouais, par contre, je suis plutôt doué avec les armes de poing. Je peux vous dire ça. Et je tapote sur mon manteau et j'ouvre je l'ouvre ce dernier. Et là, vous voyez un 45 automatique. Non, mais on voit un fusil à crosse. C'est ça. Vous voyez un gros AK. C'est une chose. Moi, ça me dérange pas de porter une arme. Seulement, je serais infoutu de m'en servir correctement. Donc, tu m'apprendras peut-être quelques trucs, je pense. Mais de ce que j'ai compris, nous sommes déjà trois armés. Moi, je le suis pas. Hein. Oui, trois. Ah, d'accord. Bon, bah, quelqu'un me protège. Non mais de ce que j'ai compris en fait, nous sommes plutôt bien tombés de ce point de vue là. Si nous sommes déjà la majorité armée, ça veut dire que nous sommes capables déjà de nous défendre un minimum si jamais une confrontation aurait lieu physiquement. Bah si des Turcs venaient à vous en prendre physiquement à moi ou à vous, enfin j'espère plus à moi qui suis pas armé et que vous me défendez, bref. il faudra pouvoir riposter. Enfin, je le dis comme ça. Moi, ça m'inquiète énormément. J'en ai vraiment fait des cauchemars. Me dire que j'aurais pu me faire poignarder dans le cœur cette nuit. Sachant que maintenant, je suis persuadé qu'on a été suivi lorsque nous sommes partis. Je pense que votre manoir n'est plus vraiment très sûr. Tout du moins, si les personnes qui s'en ont pris à Monsieur Smith. Sont toujours en cavale, hein, qui sait. Ils sauront rapidement qu'on a mené des investigations et pourront peut-être venir à votre bâtiment. C'est pourquoi j'ai songé au plus proche du travail de mon collègue et ami. J'ai songé à la bibliothèque de cette foutue truc, j'ai oublié le nom. Alors, moi j'ai noté la bibliothèque de l'Oriental Club. Voilà, de l'Oriental Club, voilà, ouais. Non, mais il y en a d'autres, hein. Il y a le British. Ouais, ouais, il y a... Voilà, ouais. Et puis il y a aussi celui de Londres. Il y a la Bibliothèque Nationale, c'est aussi un endroit où tu peux avoir des informations peut-être plus claires. Il y a celle de la faculté. Ouais. Alors, est-ce que vous, quand vous, enfin, vous faites votre un peu votre réunion, vous posez un peu ce que vous avez comme info et savoir comment vous. Oui, on reparle les notes, tout ça. Je rappelle un truc, l'inspecteur qui s'appelle l'inspecteur Fleming mm-hmm. Qui est en charge aussi de l'enquête pour les trois Turcs assassinés. Ce serait aussi peut-être intéressant, non pas de lui parler de notre situation, mais d'en apprendre un peu plus. Oui. De toute façon, je pense que notre situation, on peut en parler à personne, mais effectivement... Non, même pas à la police. C'est pas que j'ai pas confiance aux forces de l'ordre, mais que là, ils vont me prendre pour un fou, et ma carrière sera... C'est tout à fait le point. Je n'ai pas envie d'être mis en doute, surtout pas avec la réputation que j'ai, mais du coup, on devrait agir Je vois qu'on se comprend très bien, ma chère Catherine, mais bon... Donc je parlais de ça, oui, parce que ce serait intéressant peut-être que quelqu'un aille voir cet inspecteur. Et sans aller voir l'inspecteur, au moins poser des questions à ce fameux Mehmet Makriyat de Simpson. Non, trois hommes sont morts. Dont avec ceux avec les... Ils ont la même papier. Donc, oui, mais... Ils ont la même identité. Mais le commerçant d'art, il n'est pas mort. C'est un gars à qui on a piqué son identité, mais en fait, lui, il n'est pas mort. Je ressors le journal, hein, vu qu'on est dans le manoir, à tous les coups, il doit y avoir 5 exemplaires qui traînent sur une table, vu qu'on l'a tous ramené. Je ressors du coup le journal qu'on a dû traîner sur la table, et je relis l'article pour voir du coup si effectivement la personne de la vraie identité est morte ou pas. Si je peux réavoir du coup, s'il vous plaît. Non, c'est la même personne, c'est un commerçant en art et antiquité turc bien installé en ville. Les trois victimes se ressemblent et se font... Tout à fait, donc il y a trois hommes morts, donc du coup, il est mort lui aussi. Ils se font passer. Oui, mais du coup, il y a trois morts. Oui. Ils se sont fait passer pour monsieur Makriyat. Je vois que leur papier... Mais mettre Makriyat encore en vie. Oui. C'est écrit sur la coupure du journal. Merci. Donc peut-être quelqu'un aille voir ce Mehmet. Je peux y aller. Ça fait... Moi je peux aller voir pour un tabloïd italien et puis voilà. Moi je peux aller voir l'inspecteur en toute façon bon. Et j'irai à la bibliothèque de l'Orient Express vu que j'ai mes entrées. Donc, De l'Oriental Club. Oui, on va se séparer et. Au besoin, on peut tous aller à chacun des endroits. C'est pour moi en fait. Je vais faire un jet de santé mentale. Mais sinon, enquêtons tous ensemble, main dans la main. Non, mais on fait comme ça. Vu le truc, autant se séparer et on a chacun nos indices respectivement. Soit. Ah, après donc, ça. Nelson, tu fais quoi toi? Parce que là, tant qu'on est. Tant qu'à faire, tant que c'est décidé qu'on se sépare, bah autant que j'aille moi dans mon coin. Tu peux aussi identifier le journal vu qu'on a un peu de temps. Le journal. Identifier le journal. Non, mais il a dit de prendre des. Enfin, après. C'est le professeur Smith qui en avait parlé, c'était son journal, il fallait un peu l'étudier quand on a du temps. Mais on devait pas l'ouvrir à Paris ce truc? Ah si, sur le chemin et... en allant ouais, à Paris. On risque de casser beaucoup de choses si on l'ouvre avant. Ouais. En fait, la seule chose qu'il vous a dit un peu par rapport à ça, c'est qu'a priori, c'est quelque chose qui se serait passé en 1800. 93. Attends, c'est ça. Attends, parce que je dis pas des bêtises. En 1893, voilà. Quelque chose qui serait passé en 1893. Alors là, de quelque chose qui s'est passé à ce moment. Donc, comme c'est assez long, c'est mieux d'être posé et pouvoir prendre des notes. Tout à fait, oui. Voilà. Non, mais. D'accord. C'est vrai, qu'est-ce que vous comme. Oh. Du coup, Nelson, quel est votre plan? J'ai pas sûrement de plan, mais j'irai plus au musée, à la bibliothèque là-bas, voir. D'accord, au British Museum, toi, tu vas au British Museum. Ouais. Ok. Emilio, toi, tu vas à la boutique de Mehmet Makriyat? Exactement. Peter, toi, tu vas... Bibliothèque de l'Oriental Club. De la bibliothèque de l'Oriental Club et donc la fin. Et toi, Catherine, tu vas donc à Scotland Yard. Ouais. J'écris quand même un papier manuscrit, une dérogation pour monsieur pour rentrer dans l'Oriental Club. Je sais pas s'il est affilié. Non, j'ai mes entrées. Ah, d'accord, ok. J'ai mes entrées. J'ai mes desserts, j'ai mes entrées. Et bien, soit. Eh bien, ce qu'on va faire, parce que Vous êtes 4 et à 4 aller dans des directions différentes. Je vais faire Emilio 1, Peter 2, Catherine 3 et Nelson 4. Est-ce qu'on doit retirer de nos casques ou tu le fais commun? Franchement. Je sais pas en fait, j'avoue que je... Tu hésites. Mais après, pour l'intérêt RP, ça peut être intéressant, tu vois. Oui. Ça prendra plus de temps à résumer les informations que tu nous donneras. Voilà. Ça m'arrange parce que j'ai un truc à aller chercher juste maintenant. Mais... Eh bien, ça tombe bien puisque c'est toi qui commence. Allez, au revoir. Non, mais si tu veux, je vais commencer par Emilio et puis toi tu peux aller faire. Non, t'inquiète, c'est mieux que ça commence par moi, puis après je fais mon truc et je reviens, t'en fais pas. D'accord, et bien donc toi tu vas donc à. À la bibliothèque de l'Oriental Club. Ok, et bien soit, bah, alors les gens, bah, vous. On enlève? Ok. Ouais. Donc, mon cher Peter, tu te diriges vers donc cet Oriental Club. Tu arrives tranquillement sur les lieux. Ça fait longtemps que tu n'étais pas allé. Je suis motorisé. Je tiens à dire. Oui, d'accord. Bah, tu as pris un véhicule motorisé. Donc du coup, tu arrives devant. C'est la première fois que tu y vas. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller avant, mais ton père t'en avait déjà un peu décrit qu'il y avait eu l'occasion d'y aller quand il était venu voir le professeur Smith. Donc tu reconnais le bâtiment un petit peu d'après les descriptions que t'en avait donné ton père. Tu te présentes comme étant juste Monsieur Franklin. Voilà, et... un peu me faisant passer pour mon père, mais j'ai voilà. Mes entrées grâce à ça. Tu vois que la personne qui est à l'entrée regarde dans un calepin, et effectivement, voit ton nom, en fait, c'est le nom de ton père, mais il pose pas plus de questions que ça, et il te fait rentrer. Tu arrives donc dans un endroit très, très luxueux, et il n'y a que des hommes. Oui, c'est un club de gentlemen. Voilà, c'est un club de gentlemen. Ça fume le cigare, ça boit du whisky, ça rigole très fort. Certains racontent des chasses qu'ils ont pu faire la veille ou l'avant-veille. D'autres qui parlent de business. Certains relatent, je ne sais pas, des histoires de conquête, leur maîtresse. Les gens peuvent se lâcher parce que, bon, si on est entre mecs, il n'y a pas de souci. Voilà, les choses restent dans l'Oriental Club et rien qui n'en sort. Tu demandes où est cette fameuse bibliothèque et tu te rends donc sur les lieux. Oui. Et tu cherches quoi exactement dans cette bibliothèque? Alors, je cherche des informations sur les villes qu'on va parcourir. J'aimerais savoir peut-être que le comte, alors je ne sais pas s'il est encore en vie, je ne connais pas. S'il y a des documents sur le compte Fenalik. Oui. Je pense que ça va être une information que je pourrais potentiellement trouver. C'est la première chose que je vais chercher. Bah écoute, je vais pas te faire de jet pour ça parce que il y a rien sur le compte Fenalik ici. D'accord. Clairement. Tu vois que l'Oriental Club, c'est plus. Quelque chose qui est plus orienté vers sur l'Orient, enfin l'Inde et tout. Quoi. Ah, Constantinople. Ouais, ou même les Indes, tu vois. Et du coup, par rapport à le comte Fenalik, donc qui est Ça se passe sur Paris, donc c'est pas très. Tu trouveras pas trop grand chose là-dessus. Après, oui, tu peux me faire quand même un jet en tech pour voir si tu trouves quelque chose en particulier. Ah oui. Je ne dirai rien. Pardon ? Je ne dis rien, c'est que c'est pas le bon perso que j'ai fait lécher en bibliothèque. J'étais là, je pensais que j'avais plus. Bon, voilà. Et ben malheureusement, tu ne trouves. Attends, tu ne trouves rien. Tu ne trouves rien. Tu as cherché. Ah, tu as bien cherché pendant bien 2-3 heures. Tu as bien trouvé des informations sur les Indes, sur l'Orient Express, les différents points, les gares, les passages de douane, toutes ces choses-là. Mais absolument rien sur les infos que vous cherchez. Tu sens que tu pourrais passer des heures encore, que c'est clairement pas ici que tu vas trouver quoi que ce soit. T'entends quand même au détour des discussions que les gens parlent beaucoup du professeur Smith. Ah, vous avez vu ce qui s'est passé, mais c'est un drame. On ne sait toujours pas où est le professeur Smith. Personne n'a trouvé son corps, ni celui de son majordome. C'est un drame. Vous comprenez, sa maison a brûlé tout de même. C'est horrible. Et donc, vous voyez les gens qui discutent comme ça, complètement surréaliste. Ils sont étonnés de la situation. Ah oui. Enfin, c'est voilà, c'est ça pourrait être eux quoi, parce que étant donné que le professeur Smith est l'un d'eux, fait partie de l'Orient Club, ça aurait pu très bien arriver à salut. D'ailleurs, une personne vient t'apporter un petit plat parce que tu avais un petit peu faim. Tu t'es fait servir également un petit de quoi te restaurer. Mais malheureusement, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Tu ne trouveras rien. Ouais. Oui. Si j'allais demander, mais s'il y avait pas des informations, si le machin Mehmet là n'appartient pas aux membres de l'Oriental Club. Du coup, la personne qui est chargée de regarde dans son. Dans son registre et aucun Mehmet Makriat. Inconnu au bataillon. Ça m'aurait étonné. Mm. Bon, bah très bien. Bah, si je reviens brocouille, je reviendrai brocouille. Bah, d'accord. Bah, tu finis quand même ton assiette entre temps. Et bah, du coup, je vais passer à quelqu'un d'autre. Donc, je vais relancer un jet. Bah, ce sera notre ami l'Italiano Emiliano. Emilio. Alors, monsieur Gassard. Oui. Voilà. Je suis là. Emilio, tu décides de partir voir donc, la boutique de ce fameux Mehmet Makriat. Oui. Tu arrives donc. Au 3 Brophy Lane à Islington, donc un quartier de Londres, et tu arrives devant une boutique assez banale, quelque part. Voilà. Donc, c'est un a priori, quand tu regardes, c'est un espèce d'antiquaire. Comment je vais te... Voilà, donc, tu vois que ça n'a pas l'air... Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de vie à l'intérieur du... Enfin, ça a l'air d'être très calme. Et que sur l'entrée, la porte d'entrée, est écrit, et la petite carte, petit panneau, fermé. Bah, j'essaye d'ouvrir la porte, déjà. C'est fermé. Bah, j'essaye de voir si la porte de derrière, on peut passer par la porte de derrière, en vrai. A priori, tu... aucune porte dérobée ou quoi que ce soit, rien pour pouvoir entrer. La seule porte est la porte d'entrée qui donne sur la rue. Il y a du monde dans la rue. T'as des marchands, enfin des magasins qui sont sur les côtés, quoi. Ouais. Après, je sais pas, est-ce que tu veux aller dans les autres magasins, poser des questions Oui, mais justement, ce que je comptais faire avant de continuer. Tu rentres dans une boutique et il y a effectivement. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, excusez-moi, je suis ici pour acheter des antiquités à votre. Ah, c'est le magasin à côté là. Oui, mais bon, moi je vends du pain. Vous voyez bien, c'est J'imagine bien que le pain de la veille, c'était une antiquité pour vous. Après, je ferais bien une antiquité ou deux, mais bon, je pense pas que ça va vous intéresser vraiment. Mais. Mais non, mais il est fermé actuellement, vous savez pourquoi? Ça fait déjà quelques jours que le magasin est fermé. Et on l'a pas. C'est un. Monsieur Mehmet est une personne âgée, enfin. Bon, il parle. C'est quelqu'un d'assez. Un monsieur un peu taciturne, quoi. Il parle pas beaucoup, Vous le connaissez pas trop? Non, honnêtement, il est très discret. J'ai jamais vu de femme, a priori, il y a que lui. Mais là, je vous dis, ça fait déjà quelques jours que sa boutique est fermée. On l'a pas vu plus que ça. J'avoue que là, je ne serais pas trop. Des amis peut-être ou des habitués au moins. Bon, y a bien quelques personnes qui rentrent de temps en temps, mais ça a l'air d'être plus des gens qui sont intéressés par ce qu'ils vendent, des potentiels acheteurs, que des amis qui viendraient le voir. Je vous dis, c'est quelqu'un de très très discret, très. Il parle très peu avec nous. Hein. Quand il vient nous acheter quelque chose, c'est bonjour, merci, au revoir. Quoi. Vous l'avez déjà vu traîner devant d'autres boutiques, peut-être d'autres endroits, vous ne savez pas? Non. Écoutez, j'avoue que. Il m'intrigue autant que vous. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais. Et personne dans le quartier ne parlait un peu avec lui. Très mystérieux, ce monsieur. Mais bon, il est turc. Oui. Ah oui. Vous savez, les Turcs. Ah bon, voilà quoi. Hein. Ils ont quand même fait la guerre contre nous, hein, quelque part. Hein. On peut pas trop faire confiance à ces gens. Pardon. Non, mais quand même. Voilà quoi. Bon. Rien. Ouais, bon, je vois que vous n'êtes pas du coin. J'ai bien compris. Non. Mais bon, au moins, vous étiez avec nous, hein. Bah oui. Eux, non. Moi, j'ai pas fait la guerre, hein. Oui, mais votre. Votre pays. Oui. Bah, vous avez fait la guerre avec nous. Oui. Mais pas eux. C'est vrai. Écoutez, très bien. Mais merci beaucoup. Bah, j'ai essayé de voir. Bah, je retourne devant la boutique. Petite baguette, comme, enfin un petit pain, quelque chose. Allez, je prends une brioche. Vous me faites plaisir, monsieur. Allez, tu vois qu'elle te tend une petite brioche. Avec un grand sourire. Je vois que c'est le boulanger. Ah non, c'est une femme. Ouais. C'est la boulanger. Excuse-moi, j'ai pas pris une voix d'homme. Non, c'est pas ça, mais justement, quand il parlait d'antiquité, je pensais qu'il parlait de sa femme, en tout cas, comme ça. Oh non. c'est horrible. Non, j'ai pas été jusque là. Je n'aurais pas osé. Donc oui, elle te tend une brioche. Je vais un grand sourire. Tu payes une misère, hein, c'est trois fois rien. Et voilà, tu sors, que tu t'empresses de manger. Moi, tu peux. Ouais, voilà. Et je vais essayer quand même de frapper à la porte de l'antiquaire. Voir. Pom. Aucune réponse. Ah, franchement, tu peux passer 5 minutes. Tu vois qu'il se passe rien, donc soit tu restes là et t'en vas, soit je regarde quand même à l'intérieur si je vois si le désordre, s'il y a eu des traces de lutte, ce genre de choses là, par exemple. Quand tu regardes, c'est rangé. Tu vois que vite fait, c'est un peu sombre à l'intérieur, mais tu peux deviner que c'est des antiquités, disons plus de l'artisanat égyptien, arabe, de perse. Mmh. Tu vois, il y a des céramiques, il y a des objets cuivrés, des pièces en cuivre, des théières, enfin des tableaux, des tapis, des objets, des petites statuettes, des machins de ce genre-là, mais tout qui est en rapport avec l'Orient, donc très très oriental, quoi. D'accord. Voilà. Bah, j'ai juste une chose à faire, c'est essayer de trouver des contacts dans la pègre locale. S'ils peuvent m'en dire plus, mais après, sinon. D'accord. Tu veux essayer de savoir. Bah, d'en apprendre plus sur Mehmet, s'il est vraiment ce qu'on dit, sur ces trois mecs qui sont morts en même temps, qui avaient la même identité, tout ça. Bah, tu vas me faire un jet de. Attends, parce que moi, il faut que je sorte ta fiche devant moi, Emilio. Emilio Duranti. C'est ça. En quoi on va faire un G par rapport à la pègre? Je sais pas trop quoi utiliser en fait. À la base, j'aurais dit du crédit. Mais étant donné que ton crédit est pas GG, mais. Alors, on va dire que tu prends le crédit et que je te rajoute 30 à ce que tu as déjà. Vu que tu appelles les gens qui sont de ton milieu, hein, quelque part. Mmh. Pour savoir s'ils auraient des informations sur lui. Donc en gros, bah, c'est quoi, en crédit, t'as 20, donc ça te ferait du 55, enfin du 50, pardon, pour voir si ils ont quelque chose d'accord là-dessus. Donc vas-y, fais-moi un jet sur 50, en gros. Et non. Ça fait combien? 66. 66. Bah, effectivement, tu te renseignes de ton côté et personne ne connaît Mehmet Makriat. D'accord. Les seuls qui te parlent de lui, c'est ils te disent ouais, moi la seule chose que j'ai entendue, c'est sur ces gars qui sont morts là, qui ont le même nom que lui, quoi. Après, j'ai jamais entendu parler de ce type. D'accord. Ok. Ouais. Une dernière question, est-ce que j'ai une connaissance d'une pègre turque au sein de la de Londres, une sorte de famille, un truc avec quoi ça? Non, il y a absolument rien sur une pègre turque à Londres. Ok. Donc tu pars de la boutique, enfin tu restes là? Oui, j'en reste là. Ok. Eh bien, écoute, maintenant nous allons aller voir Catherine. Allez. Bah, c'est sûr que s'il regarde pas son écran, je vais avoir du mal à. Catherine. Ah, te voilà. Il faut juste que voilà, ton son voilà. Et on sera bon. Oui, okay. Non, moi je coupe mon micro et sur Discord et sur XP, donc le temps que je reviens, ça met un peu de temps. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais donc, Catherine, toi de ton côté, tu as décidé de partir au commissariat de Scotland Yard pour prendre un peu des informations sur ces fameux trois hommes qui ont été retrouvés morts avec la même identité. Donc, tu t'y rends. Tu arrives à l'accueil de Scotland Yard. Un homme te fait face, assis en habit de policier. Bonjour, madame. Que puis-je pour vous? Alors, excuse-moi, genre, juste deux secondes, je retrouve le nom du... Bien sûr. Vous avez l'air d'être un peu perdu, madame. Je ne me... Attends. Peut se passer chez vous. Bon, tant pis, je prends. Agression. Non. Non, non. J'aimerais parler avec l'inspecteur. Non, c'est pas ça. Savez-vous s'il est ici? Qui est l'inspecteur, madame? Ah, oui, alors attends. Et il y a trop de documents. Est-ce que toi, MJ, tu peux me le donner, s'il te plaît? Parce que je retrouve vraiment pas dans les documents. Le nom du. Je suis désolé, mais. Fleming. Fleming. Merci, merci, merci. Une petite voix dans ta tête te dit Fleming. Ah, enfin la petite voix me parle. non, désolé. C'est-à-dire qu'avec la. La gestion du stream, j'ai un peu du mal à trouver mes documents. Bon. Je connais que trop bien. Je l'ai fait quelques temps. C'est l'inspecteur Fleming, vous savez, qui est sur l'enquête de. Ah, des oui, fameuses les identités. Trois fameux morts qui ont la même identité. Tout à fait. Écoutez, je pense que je vais essayer de voir si je peux le faire venir pour vous. Vous êtes ? Oh, je suis Catherine Lamberson. D'accord. Écoutez, tu vois qu'il se lève, il s'en va, il part pendant à peu près 5 minutes et il revient avec un homme. Qui lui est habillé d'une façon plutôt élégante, avec un chapeau sur la tête. Et quand il arrive à côté de toi, il enlève son chapeau. Bonjour, je suis l'enquêteur Flemings. Que puis-je pour vous, mademoiselle Lamberson? Enchanté, vous savez. Je suis très curieuse, je suppose peut-être que mon nom ne vous est pas inconnu. Hein, Je pense que. Je suis pas sûr, mais peut-être la styliste. Exactement. Ça fait toujours plaisir. Oui, ah. Oui, non, c'est normal, t'inquiète pas. Je baissais le son de la musique qui devenait trop forte. D'accord. Tout à fait, ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des gens de bon goût qui savent reconnaître ma personne. Ma femme m'en parle souvent, mais malheureusement, votre collection, hein, et elle sait me le rappeler, sachez-le. Je vous en remercie un petit peu, quelque part. Mais c'est toujours avec un plaisir immense. Après, si vous en avez quelques pièces à côté... Je suis preneur, hein. Écoutez, il y a moyen de s'arranger. Malgré tout, ce n'est pas pour ça que je suis venu vous voir aujourd'hui. C'est par rapport à cette enquête. Pour des raisons un peu personnelles, j'ai tout à raison à croire que obtenir quelques informations peut-être supplémentaires que ce que vous avez pu donner à la presse me serait utile. J'aimerais vous parler en privé, comprenez-vous? Écoutez, je suis un peu perplexe. Je me dis quel genre d'information pour vous ça serait utile. Mais écoutez, suivez-moi. Nous allons en parler dans mon. Vous allez dans son bureau. Il te fait asseoir. Il te sert un thé ou. Oh oui, volontiers, un thé. Il te sert un thé. Tu vois qu'il s'assoit. Il s'allume une cigarette tranquillement. Il dit mais écoutez, expliquez-vous. Je suis tout oui. Je compte sur vous, bien entendu, dans le respect de votre profession, de garder toute cette conversation privée. Effectivement. Je suis peut-être que cela n'est pas de affaire publique, mais je suis une amie de Monsieur Smith, vous savez, ce malheureux qui a disparu il y a quelques jours. Oui, effectivement. Et pour des raisons un peu obscures. Nous avons remarqué, vous savez, lors de sa dernière soirée de présentation, je ne sais pas si vous y étiez, mais sur un grand sujet qui l'intéresse, quelque chose du paranormal, mais nous ne sommes pas là pour juger le sujet, mais bel et bien la personne. Bien sûr, oui. Nous avons remarqué, moi et d'autres amis communs, une certaine présence de personnes de nationalité turque, vous savez. Et... C'est peut-être idiot hein, de ma part, mais avec cette, en plus cette nouvelle hein, qui était à la première du journal, je n'ai pas pu faire, enfin m'empêcher de faire le lien du coup entre les nationalités de ces deux cas, et j'ai peur peut-être que Monsieur Smith se soit engagé sur des pistes un peu, vous savez, glissantes, et j'aimerais savoir si c'était possible que vous nous partagez peut-être. Si vous avez des pistes par rapport à cette histoire, voir si mes inquiétudes sont peut-être fondées, est-ce que... Vous êtes en train de me dire que vous avez, pendant une de ces conférences, remarqué des personnes turques qui avaient l'air d'être hostiles ou du moins qui, oh, qui je ne dirais pas. L'air de, d'enquêter, de, fin de, d'être suspect par rapport à vous, c'est ça? Je dirais pas aussi. Enfin, après, c'est une sensation personnelle. Vous savez, je suis une femme oui, et. L'intuition féminine, ça. Oui. Je, oui. À côté de ça, je n'aimerais pas accuser de pauvres innocents. C'est pour ça que je viens vous voir pour savoir mais si. Qu'est-ce qui en soi vous fait vraiment peur? Parce qu'en même temps, moi, là, vous avez vu des gens qui avaient l'air suspects. Dans cette convention, enfin cette conférence, et de là à imaginer que derrière il aurait un rapport avec ces trois personnes mortes. C'est vous avez peut-être que... d'autres informations, quelque chose en plus à me fournir, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous savez, c'est vraiment. Une intuition hein, que je suis. Ces personnes, pour vous dire, étaient non pas hostiles, mais suspectes en mon sens. C'est assez une présence assez assez sombre hein, par rapport à ça. Ils avaient des regards très insistants et bien plus anormal hein, que de simples regards insistants envers écoutez, la personne. Je vais être franc avec vous. C'est une enquête. Qui est particulièrement sensible. Oui, je me doute. Ce qui a été mentionné dans la presse est. On va dire. Comment vous dire ça tout n'a pas été révélé dans la presse par rapport à ces trois meurtres. Nous avons volontairement caché des informations pour ne pas affoler les gens. Je me doute. Après, bon, vous comprenez que de mon point de vue... Oh, oui, je ne suis pas là pour vous raconter tout. C'est difficile pour moi de vous partager des informations sensibles. Maintenant... attends, tu vas me faire... bah oui, parce qu'on en vient quand même là. Bien sûr. Tu vas me faire... Nous sommes Catherine. Un jet de charme. Oh oui. Oh là là, allez, je t'en supplie, soyez gentil, les dés. Oui. Ça, c'est déjà bien. Écoutez. Vous avez l'air de. De vraiment être. Enfin, sincère, ça, je n'en doute pas, mais. Ça a l'air vraiment de vous. De vous. Pas traumatiser, mais presque, hein, ce qui se passe en ce moment, et je. Je suis prêt peut-être à faire un effort. Par contre, je tiens réellement à ce que vous gardiez tout pour vous. Parce que ce que je m'apprête à faire maintenant, je peux perdre mon job, clairement, à cause de ça. Vous vous doutez que je suis une dame d'honneur. Voilà. Et deuxième chose, et qui scellera un peu notre... ce que j'apprête à faire, j'aimerais bien que vous fassiez un geste pour ma femme. Hein bien sûr, je et comprends. Que, voilà. Parfait. Allez, hein, si je peux dégoter une petite pièce de chez vous, j'avoue que je pourrais arranger quelque peu mes affaires. Tout à fait, voilà. Mais ce n'est qu'un échange de bons procédés et vous pouvez tenir sur ma parole de dame. Ok, bon, bah, c'est parfait. Écoutez. Sachez que c'est assez morbide, ce que je vais vous révéler. Alors, nous avons trouvé sur chacun des corps, et c'est le moment où tu as un papier, un stylo. nous avons trouvé un télégramme identique sur chacun des corps, qui a été envoyé de Paris. Mmh. Sur ce message était écrit « Retrouvez-moi à Londres ». urgent. Signé M. Nous ne savons pas qui se pourrait ce M. J'avoue que nous n'avons aucune idée. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que nous avons cachées aux journalistes pour éviter d'affoler les gens. Mais sachez que chaque cadavre a été partiellement écorché vif. L'un d'eux, le premier, avait le torse, une partie du torse écorchée. Un autre, c'était les bras. Et le troisième, les jambes. Et après, ce que je peux vous donner comme information, c'est que nous avons enquêté sur ce monsieur Mehmet Makria, donc c'était la personne l'identité de trois personnes en fait. Nous avons trouvé que donc son magasin était aux 3 Brophy Lane à Islington. Brophy Lane, après on s'en fout, hein, c'est une adresse. Hein. Brophy Lane, ouais. Que là, nous avons fouillé les yeux, mais absolument rien trouvé d'intéressant, du moins pour nous. Hein. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, on n'a pas plus. On est dans la. Enfin, c'est une affaire assez compliquée. En soi, nous doutons bien que ces personnes ne sont pas toutes les trois Mehmet Makriyat, mais nous avons aucun moyen de savoir qui elles sont. Aucun. Et aucun lien apparent avec des personnes de nationalité turque, c'est vraiment. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a. Vous avez rien par rapport à leur nationalité. C'est la première chose qui m'a inquiété. Si on se juge au faciès. Ce sont des Turcs. Bien sûr, mais dans votre enquête, vous avez bien trouvé d'autres, malheureusement. Non. J'espérais que c'est plutôt bon signe pour moi, du coup. À la limite, si vous voulez des informations sur des personnes, peut-être aller à l'ambassade. Mais honnêtement, même eux, je ne sais pas si vraiment ils pourront vous aider, mais vous pouvez toujours faire ça. Très bien. Je me saisis d'un petit carnet sur moi et d'un stylo et je note, tu sais, un petit message disant que j'autorise le don en fait d'une pièce au choix et je demande le nom de sa femme. Mais écoutez, je vous en remercie. Hop. Vraiment, c'est... vous avez changé ma vie quelque part, parce que ma femme n'y voyez rien de misogyne, hein. Mais elle me faisait chier, hein. Clairement. Hein, je... Voilà. Maintenant, je sais qu'avec ça, je serai un peu plus tranquille. Hein. Voilà. Et n'hésitez pas si vous intéressez à mes collections hommes, vous savez, je suis. Oui, mais clairement, j'aimerais, mais je n'ai pas les mots. Je comprends. Voilà. Vous y arriverez un jour. Okay. Merci en tout cas pour tout, inspecteur. Vous m'avez été d'une aide utile. Je me sens un peu plus rassuré. Oui. Et Motus et Bouscouzu, hein. On est d'accord. Mais, hein. Encore une fois, je suis une dame d'honneur. Ma parole a eu une valeur inestimable. Mais d'accord. Bah, du coup, je vous raccompagne. Il te raccompagne à la sortie. Et il te souhaite une excellente journée. Il espère que tu arriveras à étudier tes. Enfin, voilà. Et si jamais tu avais des informations de ton côté, que bien tu sûr. N'hésites pas à lui en faire part. Hein. Voilà. Mais nous allons voir maintenant le dernier, celui qui attend toujours depuis tout à l'heure, qui s'endort quelque peu. Monsieur. Nelson. Je suis là, Coucou. Bonsoir. Bonsoir, Nelson. Donc, mon ami Nelson, donc toi, tu as décidé d'aller à la au British Museum, à la bibliothèque du British Museum, pour voir s'il n'y avait pas des choses intéressantes à trouver. Mm-hmm. C'est bien cela? Et j'avoue, je ne sais pas par quoi commencer, du tout. Je n'ai pas le souhait que... Donc tu te rends sur les lieux. Tu te rends sur les lieux. Tu as affaire à... Bah, tu avais déjà un petit peu mis les pieds un peu quand tu es allé faire la petite... Le tour du musée, ouais, l'autre jour. Ouais, le tour du musée. Je vais baisser un peu parce que ma musique à moi est très forte. Voilà, merci, parce que ça me tape les oreilles, ça fait une horreur. Et... hop. Voilà. Tu vois une belle bâtisse et puis tu rentres dans la partie bibliothèque. Au moment où tu te présentes, tout le monde sait que tu es quelqu'un de fortuné, donc on ne cherche pas à savoir de qu'est-ce. Tu rentres à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux chercher dans cette grande bibliothèque? Sur quoi vas-tu chercher Je demande à voir s'il est possible de consulter des documents concernant près ou de loin des choses rapportant au simulacre. D'accord, mais écoute, tu vas me faire un FKR en particulier. Tu vas me faire un petit test. Oui. Il y a peut-être une bibliothécaire qui saurait me répondre par rapport à ça. Cherche-moi. Mais du coup, tu vas me faire un petit test de bibliothèque. Ça comprendra un peu ta recherche. Ça, quoi, tu vois. Ok. Alors attends, juste j'écris hein. Alors tu as succès majeur. Oh tu en vois là. Je la donne, hein. Eh bien, tu cherches par rapport au simulacre. Car, attends. Alors, excuse-moi, tu coupes par moment, donc... Je dis tu cherches par rapport au simulacre de Sedefkar, hein, dans un premier temps. Et assez rapidement, bizarrement, je sais pas, peut-être c'est ton jour de chance, peut-être... Tu t'es tombé sur le bon bouquin quand il fallait. Tu trouves... alors, rien qui porte le nom de simulacre de Sedefkar, mais quelque chose de... qui ressemble un petit peu. Quelque chose qui serait le simulacre du diable. Ah. Ouais. Et en feuilletant justement cet article, ce passage... Tu vois que il y aurait des informations complémentaires par rapport à ce simulacre du diable, mais qui se trouveraient dans la Bibliothèque nationale de Paris. Bah bien. Donc, après, voilà, par rapport à ça, c'est la seule chose que tu trouves dans par rapport au simulacre du diable de Sedefkar, donc simulacre du diable, mais que tu auras plus d'informations. Mais à la Bibliothèque nationale de Paris. En couplant le mot Sedefkar dans un dico anglo-turc, est-ce que. Ou peut-être une langue morte, je sais pas. Sedefkar, est-ce que ça correspond au diable dans un dictionnaire? Non, t'as plus l'impression que Sedefkar serait plus un nom. Le nom de quelqu'un, quoi. Plus une personne. Ouais, voilà. Que réellement un mot dans une langue étrangère. D'accord. Et de ce que tu fais comme recherche par rapport à Sedefkar, tu sens que ça ferait plus un nom commun, enfin un nom propre, je veux dire, un nom de quelqu'un, quoi. Plus que oui. Un mot. Il n'y a rien se rapportant à Sedefkar en lui-même. Par rapport au simulacre de Sedefkar, non. Par contre, tu as en cherchant par rapport à Sedefkar, tu es tombé sur un manuscrit qui porte le... Enfin, qui mentionne les parchemins de Sedefkar. Ah ouais. Et que ces parchemins-là seraient se trouveraient dans un musée Topkapi à Constantinople. Mais que la dernière fois qu'ils ont été vus là-bas, c'était avant la Grande Guerre. La première. Oui, c'est la Grande. La Grande Guerre. Et du coup, voilà, donc ces parchemins de Sedefkar, a priori, ont été mentionnés au musée Topkapi à Constantinople. Mais avant la Grande Guerre, maintenant. Et vu que je suis dans un musée, il n'y a pas. Non, ils ont enlevé l'exposition Maya. Ou alors ils l'ont encore. Oh oui, après, l'expo, elle est. Après, en soi, l'expo est toujours là. D'accord, ouais. L'expo est toujours là, mais après, c'est une expo Maya, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y aurait. Ouais, non. C'est une bibliothèque de musée. Bon. Oui. Je ne saurais plus quoi chercher, mais j'ai un minimum d'infos. D'ailleurs, tu remarques, pendant que tu es en train de faire tes recherches. Ouais. Que dans un coin de la bibliothèque, et qui la bibliothèque qui, ça dit en passant, est quasiment vide parce que comme il pleut, les gens ne sont quasiment pas sortis. Ouais. Et tu remarques dans un coin, au détour de tes marches pour aller chercher des livres à droite à gauche, un homme qui a affalé sur une table avec son chapeau sur la tête. À savoir que, logiquement, dans les us et coutumes, il est très mal poli de garder un chapeau à l'intérieur. Mais bon, tu vois le gars qui est affalé, genre, comme s'il dormait sur... Il a coudé comme ça, quoi. En gros, il est en train de pioncer, quoi. Limite, toi, il est là, affalé. Je lui tapote l'épaule et Ah, tu vas le voir ? Je me dirige vers lui pour lui tapoter l'épaule et voir s'il il voudrait pas un verre d'eau, déjà. Et ben, au moment où tu t'approches de lui, tu vois que il n'y a pas de réponse, il ne réagit pas du tout. Et est-ce que tu insistes ? Tu le pousses encore un peu ? Oui, je me bats de plus en plus. À un moment, tu le pousses une fois de plus. Pas trop fort, pas qu'il tombe. Oui, je me doute. Et c'est exactement ce qui se passe, la personne... s'écroule par terre. D'accord. Et ne bouge plus du tout. Okay. Elle ne bouge pas d'un centimètre. Alors elle porte un grand manteau, tu sais, un manteau de parka, tu sais, que t'as là, machin, ouais, pour la pluie, plus le chapeau qui va avec. Et quand elle tombe, en fait, tu vois le pour t'imaginer, elle tombe sur le ventre, les bras comme ça et donc, le chapeau qui lui recouvre la tête, quoi. Je vois toujours pas son visage. Non. Non. Bah, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont vu ? À ce moment-là, tu vois. C'est un peu désert, je sais bien, mais ouais. Tu vois que ça fait du bruit en fait, parce qu'on est dans une bibliothèque hein, et que ça fait un grand fatras dans la bibliothèque. Et une des bibliothécaires arrive, commence à arriver de loin, parce qu'en courant. Je vois cet homme par terre. Et... Ouais. Passe, mais aidez-le. C'est rien, c'est évanoui. Je vais mais appeler quand même une ambulance. Les infirmières. Mais aidez-le. Enfin, tu le laisses là pour l'instant. Tu il est là. Et... J'ai pas eu le temps de réagir encore. T'as fait toute l'action. D'accord. Bah, c'est tout. Je le retourne. Je ok. Donc au moment où tu le retournes, son chapeau en fait. Se dégage et une partie de son et tu vois clairement Monsieur Smith, un homme écorché complètement Oh. Son... En fait, il n'a plus de peau. Oui, oui, écorché vif, ouais, écorché vif. Tu peux remarquer que son visage, enfin, son tête, le haut du corps, et bon, si tu cherches un peu plus loin, corps entier a été écorché. Et bien sûr, la personne est morte. Tu vas me faire un jet de sang. Évidemment. Où c'est ça? C'est la première anglais. Ouais. Premier anglais, San, c'est ça? Ouais, San, ouais. C'est comment? Ouais. Oh merde! Ok, alors. rigole. Bah oui, il faut bien que je rigole un petit peu quand même. C'est ça qui est bien. Alors. Attends, hop, moi je vais faire ça. Et je vais faire un petit jet pour moi. Alors, hop. Bah, j'y reviens beaucoup, hein. Attends. On va peut-être par la bouche. Tu vas perdre un point de santé mentale. T'as de la chance. Sur mon max. Dans ton ta salle, en fait, tu vas enlever un point. Sur le max. Pas. Non, sur ce que t'as en ce moment là, enfin sur ce que t'as comme point, je sais pas là, t'es derrière. Okay. Pas le pas ton, pas c'est le bon maximum hein, c'est attends je vais d'accord, regarder ok c'est ouais non, c'est bon, j'ai descendu un point, ça voilà, ok, voilà, t'avais 51, c'est ça? Non 50. Ah, et bah oui, alors clique dans une autre case pour que ça disparaisse et que ça se mette à 49. Ah. Voilà, c'est bon, ok, non c'est bon, c'est parfait, tu l'as fait, c'est nickel. Clairement, au moment où tu vois ça, tu fais un pas en arrière, tu tombes sur le cul, tu restes, mais genre livide. Hein, tu limite, tu sais plus où t'habites, t'es en train de reculer. Terre, la femme arrive au même moment. Elle commence à s'approcher du mec. Elle voit le corps écorché. Elle se met à hurler. Et du coup, les gens commencent à affluer de partout. Les gens arrivent les uns après les autres. Ils voient le corps du mec. Ça gueule dans tous les sens. La police est... ça fait pas la une, ça. La police est dépêchée sur le truc. On te demande... te demande de rester parce que tu as clairement été la première personne à voir et personne n'a vu ce mec avant toi, et la personne qui la première femme qui t'a resté bêté comme ça sur le cul combien de temps ben là en fait limite la police te prend à part, ils te portent, enfin ils te soutiennent parce que limite t'as plus d'accord. D'énergie dans les jambes quoi, t'es vraiment ouais. Scié. Mmh. Te questionnent pendant un bon bout de temps. Comment vous avez vu cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire là. Je voyais un homme dormir sur sa table, j'ai voulu lui proposer un verre d'eau et voilà qu'il s'est écroulé. D'accord, mais vous avez vu, enfin, il bougeait avant, vous avez... Ah non, il dormait accoudé sur la table, la tête contre la table, je me rappelle plus bien, je sais plus. D'accord. Vous allez venir avec nous. On va aller au commissariat ensemble. Nous allons emmener le cadavre avec nous pour plus de. Et donc vous serez questionné. Ne vous inquiétez pas. On sait qui vous êtes. On se doute bien que voilà, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Mais vous comprenez que nous devons quand même. Voilà. Donc, du coup, commencez à partir vers le commissariat. Une voiture vous emmène directement. Et vous arrivez à l'entrée. Et au même moment, quand tu t'apprêtes à rentrer, tu vois Catherine qui est dans l'entrée avec un inspecteur. A priori, ce serait l'inspecteur Fleming, puisque le policier qui est avec toi, justement, l'Alpag, pour lui faire part de ce qui a été découvert dans le British Museum. D'accord. Alors, attends, on va appeler Catherine. Oui. Catherine, au moment où tu t'apprêtes à sortir du commissariat, tu vois un policier qui se dirige vers le docteur Fleming. Et tu vois que derrière ce policier se trouve Nelson. Nelson, tu le vois, il est blanc comme un cachet. Il est livide. Il tremble presque. Et... On me soutient encore un peu ? Ouais, t'as un des agents qui te tient. D'ailleurs, tu vois un agent qui supporte un peu le Nelson, parce que tu sens bien qu'il y a quelque chose de bizarre qui vient de se passer. Et tu entends justement l'agent qui discute avec l'inspecteur Fleming. Il dit « Inspecteur, nous avons trouvé quelque chose... qui pourrait avoir un rapport avec l'affaire des... Vous savez, des trois bonhommes, là. Ah, écoutez, ben, allez-y, qu'est-ce qui se passe ben, écoutez, un corps a été retrouvé dans le British Museum. Et a priori, complètement écorché, des pieds à la tête. Il a pu un gramme de peau sur le corps. A priori, c'est... Ce monsieur Nelson Bessborough qui l'a découvert, il l'a vu affalé sur une table, couvert avec un manteau et un chapeau sur la tête, et il a cru bien faire en allant lui proposer son aide. Et en fait, au moment où il s'est approché de lui, il l'a un peu secoué pour essayer de le réveiller, pensant qu'il dormait, l'homme est tombé au sol et ils ont fait cette découverte macabre. D'accord. Et donc vous avez voulu amener le témoin pour en parler un peu plus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ben faites-le moi amener. Je vais discuter et en même temps essayer de voir si vous trouvez quelque chose sur cette personne. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Catherine? Donc, tu as entendu, hein, t'étais un peu discret dans ton coin, t'as écouté, t'as entendu quand même ce qui s'est dit. Je reviens en marche rapide, tu vois, en courant un tout petit peu, tu vois, vers pour montrer un air de panique envers l'inspecteur. Et Nelson, là, il est là ou... Ah oui, tu le vois, ils vont d'ailleurs l'emmener dans le bureau de Fleming pour qu'ils en discutent, quoi. Inspecteur, c'est mon ami. Nelson, bien sûr. Vous êtes là. Bessborough, c'est un ami commun que j'ai avec Monsieur Smith, et on a grandement sympathisé ces derniers jours. Puis-je lui servir de... Effectivement, je commence à penser que quelque chose qui tourne pas rond autour de votre groupe, si je puis dire, maintenant, parce que maintenant vous êtes tout seul, maintenant vous êtes deux. Et je vous l'ai dit que j'étais dans un groupe d'amis communs avec Monsieur Smith, mais je pense plus que c'est Monsieur Smith qui... Suivez-moi, on va pas parler de ça ici. Je rejoins... Henry, emmène le Monsieur Nelson dans... Vous, Carl, allez déposer le cadavre dans la zone... Et puis on regardera un peu tout ça. Tu vois une civière avec un mec et un drap dessus. Et puis s'emmener directement. Bon, et moi, vous allez dans le bureau. Je vais à côté de Nelson, hein, voir quand même comment il va, vu qu'il a l'air pas très bien. Je lui sers vraiment de soutien moral, tu vois, c'est pas qu'une excuse. Je veux vraiment... D'accord. Alors, pour l'instant-là, je vais juste filer un peu récupérer les autres, parce que les pauvres, ils sont en train de, tu vois, de rien faire depuis tout à l'heure. Je les récupère. Nous, on part ? Ouais, juste, mais ah, okay. Je vous reprends très vite. Non, non, mais y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, vas-y, fais. Alors, hop. C'était... Pas lui. Xen Peter voilà. Ah. Allô Peter, donc tu as terminé ta recherche qui n'a pas été fructueuse dans dans l'Oriental Club. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Savoir est-ce que peut-être tu rejoins d'autres personnes J'avais encore des idées à l'Oriental Club, même si c'est pas tout à fait mm-hmm. endroit. Ça m'a, bah, dommage, ça m'est complètement parti. Je sais plus c'était quoi, mais tant pis. Désolé, ils m'ont pris beaucoup de temps, les autres. Non, en plus c'était vraiment une idée saugrenue, comme on peut le dire. Je pense que si j'ai fait un peu le tour de l'Oriental Club. Ça va ? Non, vas-y, non, je t'écoute, hein, je regardais la musique. Si j'ai fait le tour de l'Oriental Club, je pense. Ah, si ! Ah, bah voilà, ça me revient tout de suite. Est-ce qu'il y a eu des ouvrages qui ont été empruntés par le professeur Smith dans l'Oriental Club ? Est-ce qu'il y a moyen de le savoir ? Tu vas en fait regarder, parce qu'il y a quand même une espèce de bibliothécaire ou registre, quoi, qui. Et tu lui demandes à cette personne, est-ce que le professeur Smith a pris des bouquins récemment ? Oui. Il te dit, écoutez, je regarde ça. Non. Mais je me rappelle que j'ai discuté un peu de ça avec lui parce que justement, il était intéressé par des documents, mais que malheureusement, on n'a rien. De ce qui l'intéressait réellement, mais que les documents, enfin, je l'ai plus orienté, disons, vers Tisch Museum. D'accord. Qui, je pense, est plus complète que la nôtre. Nous, c'était vraiment très orienté vers l'Orient. Les Indes, l'Orient, alors que le British, la salle du British Museum est beaucoup plus. Grande. Donc je pense que s'il a un bouquin, un livre qui l'intéresse, il serait plus allé vers là-bas. Quoi. Vous avez appris sa disparition. Ah oui, c'est tragique. On n'a toujours pas retrouvé. Nous sommes très inquiets hein, ici. Nous espérons qu'il s'en est sorti. La nouvelle va vite. Hein, mais oui, pour le moment... La police n'a pas retrouvé son cadavre. Enfin. Là, c'est dramatique. Après, oui. Voilà, comme on dit, hein, tant qu'ils l'ont pas trouvé, il y a toujours de l'espoir. Hein. Oui. J'ai toujours de l'espoir aussi. Mais oui. Je vais vous laisser, gentlemen. J'ai peut-être une visite à faire au British Museum. Eh bien, écoutez, j'espère que vous trouverez ce dont vous cherchez. Et puis, si jamais vous avez la chance, peut-être, de tomber sur le professeur Smith, voilà. J'espère que ce sera de bon augure. Oui. Si tu vois le professeur Smith, mais il est mort, tu le vois dans la rue, t'es là. Non, ah non bon. Je l'ai trouvé, mais il est mort. Il est mort, c'est bon augure. C'est voilà. Et bien, du coup, tu diriges donc vers le British Museum. Oui, je me dirige vers le British Museum. J'ai bien compris que la collection n'est pas assez complète pour avoir des informations précises sur notre cas. Et direction le British Museum. Et on va faire de l'enquête en groupé, en scroob. Eh bien, du coup, tu te rediriges vers le British Museum. Et au moment où tu arrives, tu vois de bordel monstrueux. Il y a des voitures de police, il y a des gens qui sont un peu choqués. Au détour de là, tu te faufiles un peu dans la masse, tu étends les oreilles, tu vas me faire un jet d'écouter. Le truc que je suis pas bon non plus, je crois. Putain, écoutez, j'ai pas. Ah si, oui, ça oui. Ouais, il fait peur. Allez, 88, c'est parti. MJ, je demande une relance. Un reroll, vas-y. Ouais. Tu peux y aller. Allez, 62, c'est parti. Alors, je vais tu écoutes. Tu écoutes et tu entends. Ah, ce sont des. C'est pas possible, il y a des gens qui sont morts, ils ont été tués par un homme. Oh, je sais pas, j'ai cru entendre Nelson. Un Nelson, je crois, qui aurait tué des gens. Et la police l'a arrêté, on l'a vu, de toute façon, et il a tué, ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené à Scotland Yard. Mais c'est horrible, pourquoi il a tué cet homme? Il voit des gens qui pleurent, des femmes qui pleurent. C'est terrifiant, quoi, tu vois. J'en parle aussi sec, hein, notamment ça. Et du coup, bah, tu pars à Scotland Yard. Et quand tu arrives là-bas, tu vois qu'il y a plein de voitures de police également. Tu arrives à l'intérieur de l'accueil et un homme te reçoit. Pardon? Je recherche Nelson Bessborough. Nelson Bessborough? On m'a dit qu'il a été arrêté pour meurtre. Oh! Mais ça s'est passé où? Au British Museum. Ah, ça! C'est quoi, c'est un ami à vous? Oui, mais c'est un ami à moi. Ok. Bon, je pense que les informations qu'on vous a données sont un peu fausses. Il n'a tué personne, mais soit. Attendez-moi ici. Là, je soupire. Je vais. Je vais. Voilà, donc, tu vois que. Il s'en va, il revient 5 minutes plus tard et il te fait venir. Il te demande de le suivre et. Mm-hmm. Tu rentres dans son bureau et tu vois Nelson et Catherine qui sont assises en face de lui. Donc on va demander à Nelson et Catherine. Non, non, non. Ce que je vais faire, je vais t'arrêter là, je vais aller chercher le dernier là-bas. Là. Okay, d'accord. Oh ouais, okay. Toi, tu es sur le point de rentrer, ok? Oui. Emilio, je sais, ça a été très long. Tu as beaucoup marché. Tu savais pas trop où aller. Et tu t'es un peu perdu dans les rues de Londres. Que fais-tu maintenant? Bah, maintenant. De toute façon, moi, j'ai des impératifs de point de vue professionnel. Ouais. Bah, j'ai juste contacté mes gars pour leur dire que j'ai pu. Je leur laisse le champ libre et que moi, j'étais rappelé pour d'autres affaires. D'autres affaires, d'accord. Et puis, en vrai, là, je suis un peu perdu. Je vais essayer de peut-être d'aller voir à l'université si je vois pas des collègues de professeur Smith ou même chercher dans les livres de la bibliothèque. Ah, la bibliothèque universitaire, pas la bibliothèque du... Non, non, non, la bibliothèque universitaire. D'accord, bah écoute, tu te diriges vers la bibliothèque universitaire. Je vais me mettre devant, hein, ce serait mieux, hein, pour avoir les infos, parce que même moi, je les connais pas par cœur. Tu passes un petit temps... Clairement, tu regardes au niveau des bouquins, tu ne trouves pas grand-chose de très intéressant. Les bouquins que tu vois à l'université sont vraiment plus dirigés vers des études récentes ou plus ou moins récente, quoi. Pas, c'est pas trop des références, comment dire, larges. C'est très orienté sur des sciences ou des, enfin voilà. Après, si tu veux, tu peux essayer de voir s'il n'y a pas des collègues, enfin des cam, enfin les. Je voulais faire un dernier truc, c'est chercher le nom de Mehmet justement dans les, dans des, je sais pas, dictionnaires turcs, de personnalités turques, ou ce genre de choses là. Par tu rapport. Tu peux, à... bah, fais-moi un jet de bibliothèque, si tu veux. Ok. Oh là là, non. pas ce jet. Non. Bah écoute, ma foi, tu trouves absolument rien sur un Mehmet. Pas lire l'anglais. Hein. Ça te parle pas du tout. Il n'y a aucune mention sur un certain Mehmet Mehriat. Par contre, tu vas me faire un jet d'écouter. Très bien. Je retrouve écouter. Voilà. Non. La chance est avec moi aujourd'hui. Écoute, tu n'entends absolument rien de très intéressant. Si tu vois, t'entends des gens qui discutent de ce qu'ils vont faire demain. Ah tiens, j'étais voir une pièce de théâtre bien, fort bien sympathique. Je te la conseille. Hein, après, bon, c'est vrai qu'au bout d'une heure, c'est un peu long, mais c'était pas mal quand même. Après. Tu sens que, honnêtement, tu n'auras rien trouvé de vraiment bien intéressant à l'université. Que ce que tu devais trouver, tu l'as déjà fait, déjà par ce bouquin qui était fort intéressant, enfin, qui se remontrera peut-être fort intéressant dans l'avenir. Mais que là, honnêtement, tu es arrivé à bout. Que tu ne trouveras plus rien, en fait. Bah, je vais rentrer. Chez Nelson, en vrai. D'accord. Bah, du coup, quand tu rentres chez Nelson, tu vois les gens qui paniquaient. Et le majordome te dit, mais vous n'êtes pas avec monsieur Bessborough ? Et qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'ils sont ? Mais il est... Il est au commissariat. On vient d'avoir une note comme quoi il aurait été emmené au commissariat parce qu'il a découvert, il a découvert un corps, une personne morte dans le British Museum. Ah bon, très bien. Je prends une voiture et je m'en vais, quoi. Enfin, j'imagine qu'il y a une. Bon, oui, écoutez, d'accord, si vous voulez. Après, vous pouvez toujours l'attendre ici, mais. Non, mais je. Okay. Bah du coup tu vas au commissariat, tu arrives à l'accueil au bout d'un temps et une personne te prend et elle va dire monsieur, que puis-je pour vous? Je suis un proche de Nelson Bessborough. T'as décidément vous voulez tous voir ce monsieur Nelson Bessborough. Écoutez, ne bougez pas, je reviens. Tu vois, il parle pendant 5 minutes et il te demande de le suivre. Tu arrives devant le bureau de la plaque écrit Inspecteur Fleming. Et au moment où il ouvre la porte, tu vois Catherine, Nelson ainsi que Peter assis en face de lui. Et là, je vais demander à tout le monde de revenir. Enfin. Le at everyone. Et j'ai enfin réussi de haranguer tout le monde ensemble. Ça a pris la moitié de la session. Mais j'ai réussi à haranguer tout le monde. Alors, en attendant, je sais. En attendant, je vais en profiter. Catherine, vous êtes rentrée dans le bureau de l'inspecteur Fleming. Nelson, lui, est dans une chaise. Il est livide. Hein, tu as pu le voir. Et il ne parle pas. Il décroche pas un mot. Vous avez commencé un peu à discuter. L'inspecteur commence un peu à essayer de parler. Et puis, au bout d'un temps, tu vois une personne rentrer dans... c'est un assistant de... Enfin, de l'inspecteur qui dit « Excusez-moi, il y a une personne qui se dit être un ami de Son Bessborough qui cherche à le voir. Écoutez, ce serait un Peter... Ça vous dit quelque chose ?» Et il se tourne vers toi, l'inspecteur, et il dit « Vous connaissez un Peter ?» Oh oui, tout à fait. C'est un Américain, encore un ami de Smith. Ok, faites-le venir. Et du coup, tu vois la personne partir, et il revient 5 minutes après, accompagné de Peter. Peter qui rentre, qui vous voit tous les deux devant l'inspecteur, et qui remarque un Nelson complètement livide, blanc, il ne décoche pas un mot, il est encore dans son... comme un traumatisme. Il te demande de t'asseoir. Bah, moi, je m'arrête, mais je demande tout de suite qu'est-ce qui se passe. J'ai eu des informations comme quoi Nelson aurait tué quelqu'un. Peter, asseyez-vous, on verra ça. Je passe pas. En bonne discussion. Écoutez, bon. Monsieur Nelson, je me doute que cette expérience a dû être quelque peu traumatisante. Trouver un homme écorché des pieds à la tête, c'est pas, ça court pas les rues, c'est pas tous les jours. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je cherchais des informations et j'ai vu un homme m'appalé sur une table, peut-être sur la table de il dormait, c'est ça, il dormait quand il dormait. Écoutez, je vous écoute, je... Si vous le dites. Je me rappelle, je voulais lui donner un verre d'eau. Et je l'ai secoué un peu fort, et puis il est tombé tout écorché, le monsieur. Et vous ne l'avez pas vu auparavant, ça, ne serait-ce que ça. Il était là, il a toujours été là. Que j'ai pas d'amis écorchés à côté de moi. Ok. D'accord. Vous discutez encore un petit peu comme ça. L'inspecteur et vous-même, vous sentez que Nelson a des propos un peu bizarres. Enfin, voilà. Vous sentez qu'il est vraiment affecté par ce qu'il a vu et que du coup, ça le c'est, des fois, c'est un peu incohérent dans sa façon de dire les choses. Et l'assistant revient quelques instants plus tard en disant « Écoutez, monsieur l'inspecteur, je suis vraiment désolé, mais il y a une autre personne qui dit être l'ami de Nelson, et un certain Emilio, c'est aussi un de vos amis ?» Oui. Parfaitement. Ça tombe bien, et finalement. L'inspecteur a dit « Mais écoutez, mais vous êtes combien? Dites-moi-le tout de suite, parce que là... » Ne vous inquiétez pas, nous sommes que quatre. Bon, c'est le dernier, il n'y en a pas d'autres, hein, on est bien d'accord. Nous sommes des amis très personnels de Monsieur Smith et nous avons passé ces derniers jours ensemble. D'accord. Ok, ben faites-le venir. Donc 5 minutes après, Emilio arrive dans la pièce, il vous voit, donc Nelson, Catherine et bien sûr Peter. Et Nelson, tu vois que Nelson est dans un état pitoyable et donc il te fait asseoir. Vous savez bien, on a mis... Ah oui. Votre majordome m'a tout dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin. Comment? Enfin. Quoi? Au musée? Oui, ouais, bibliothèque, oui. Ah, totalement incongru. Excusez-moi. Continuez, je vous prie, inspecteur. Oui. Moi, je sais que maintenant, nous ne serons plus perturbés par quelqu'un d'autre. Hein. Vous m'avez rassuré. En ce moment même, nous sommes en train d'essayer de voir si nous ne trouvons pas des choses sur le corps. Catherine, madame Lamberston m'a fait part de ses inquiétudes quelques temps, enfin tout à l'heure, pour me dire qu'elle soupçonnait les Turcs de vouloir attenter ou peut-être à la vie ou de votre ami le professeur Smith. Au début, j'ai eu quelques réticences par rapport à ça, mais je commence à croire que il s'avère que vous avez peut-être raison et qu'il serait bien de partager nos informations ensemble. Donc, j'ai déjà donné quelques informations à votre ami qui peut-être peut vous les transmettre maintenant. Bien entendu, je peux le faire. Du coup, ce que l'inspecteur m'a parlé, ce sont des avortements d'enquête qui ont été tenus secrets au moment de révéler le tout à la presse. Donc, par conséquent, je suppose qu'en vous les révélant, vous êtes scellé au même pas que moi, que celui-là de ne pas en faire bruitage à l'extérieur, mais je compte sur vous vis-à-vis de ça. Plusieurs informations m'ont été données. La première, c'est que sur chacun des corps, en fait, il y a un télégramme. Et c'est un télégramme envoyé de Paris qui contient toujours le même message qui est « Retrouvez-moi à Londres, urgent. » Et c'est signé d'un certain M. L'inspecteur confirmera, mais ils n'ont aucune piste sur qui serait ce fameux M. Et autre information, du coup, dans leur enquête, chaque cadavre, du coup, a été écorché vif. Le premier au torse, le second au bras et le troisième aux jambes. Il y a une enquête, du coup, sur leur identité, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Et par rapport à l'identité qui a été retrouvée en triple, hein, parce qu'on se doute bien que ce n'est pas trois fois exactement la même personne. On sait qu'il tient un magasin, si je ne me trompe pas. À trois, bonjour, à Wrangler. Profi Lane. L'endroit où tu es allé aller faire un tour, déjà. Très bien. Et donc, ils ont fouillé, mais n'ont rien trouvé là-bas. Voilà, c'est tout ce que le commissaire le validera, mais c'est tout ce qu'ils avaient en leur possession au moment de notre conversation. Ouais, effectivement. Oui, vous avez mentionné les messages sur... Bien sûr. Bah, oui, d'accord. Retrouver à Londres, urgent. Mais... Écoutez, donc nous sommes en train de voir si nous trouvons pas quelque chose. Tu vois que au bout d'un moment, une personne rentre dans le truc et non, ce n'est pas une personne en plus. Oui, il y a encore une personne. et du coup, alors attends, parce que il faut que je tombe sur la bonne page, évidemment. Hop. On a retrouvé une note. Et donc, on a trouvé quelque chose. Donc, la personne tend quelque chose à l'inspecteur. Et vous voyez que au moment où la personne donne ça à l'inspecteur, l'inspecteur commence à regarder. Et vous voyez qu'il est blanc un petit peu. Il commence à blanchir un petit peu, à être ultra mal à l'aise. C'est écrit sur les papiers. Oui, c'est ça. Et... si je le vois un peu trop choqué, je sais, mais essayer de faire passer ça de manière super naturelle. Mais tu sais, je me penche pour le prendre, quoi. Genre, vu qu'il a l'air... Mais en fait, tu bizarrement, tu vois qu'il réagit même pas. Parfait. Genre, tu sens que il a été un peu. Et. Oh là là. Tu te retrouves avec cette chose dans la main. Et. Tu réalises. Toi, parce qu'il n'y a que toi réellement qui l'a en face des yeux. que ce que tu tiens entre tes doigts, ce n'est rien d'autre que de la peau humaine séchée, où on a écrit quelque chose dessus. Dans une langue que tu ne connais pas. Alphabet latin, quand même. C'est pas de, du latin, c'est pas de l'alphabet latin. D'accord, donc on n'est pas dans l'alphabet classique. C'est pas du latin, enfin, c'est pas une base latine. Oui, non, je veux juste dire l'alphabet tel qu'on connaît, tu sais, A, B, C. Comme ça, de but en blanc, tu dirais que c'est oriental. Une langue qui est très. L'arabe, quoi. Je le pose de manière. Avant de le poser, tu vas me faire un jet de San. Oui, bah dans tous les cas, je vais le reposer, hein, même que je le réussisse ou que je oui, me rate. Oui, oui. Mais on va voir avec ton jet de San comment tu vas le poser. Alors la San, si je me trompe pas, c'est pas là, c'est là. Ouais, c'est ça, c'est ça. PV San actuel 65. Bon, ça va. Dessus. Oh bien. Qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je vois ça, je fais « Oh, mais j'en ai tenu toute ma vie !» Ça fera un super vêtement. Là-bas, c'est Cruella, en fait. Tu poses le papier, mais plus avec dégoût qu'avec ouais, vraiment ça, de la... Tu vois, c'est genre... Oh, c'est de la peau humaine. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut le choper ou tu... Alors, voilà, de toute façon, vu qu'il est posé sur le bureau face à eux, bah, il peut le regarder sans y toucher. Hein, ah, ouais. Mais vous voyez... Vous voyez... C'est de la peau humaine. Vraiment ? Non, alors, toi, moi, je l'ai dit. Mais non, mais elle l'a dit. T'as parlé. Bah, oui, bah je... Tu le dis, toi, tu le dis, ouais. Bah, bien sûr. Bah, écoute, eh bien, tu vous entendez tous, exactement. C'est de la peau humaine séchée, donc on en a fait du papier. Quelque part. Un parchemin. Avec les yeux, hein, comme on dit, parce que là... et t'écris quelque chose dessus dans une langue que... Sûrement orientale. A priori, vous ne connaissez pas. Pas. Est-ce que quelqu'un a fait turc ici ? Je connais pas le turc. Est-ce que quelqu'un a fait turc ? Eh bien, vous allez tous me faire un jet de chance. Oh ! Et j'ai par miracle, en fait, j'avais oublié, mais je parlais le turc. Yeah ! Ah, je peux utiliser de la chance pour mon jet de chance. Si yep, tu dépenses yep, de la chance, et ça fait descendre ton résultat. Oh, succès Nelson, majeur pour Nelson. C'est la personne la moins... Alors attends. Eh bien, vous avez de la chance car l'assistant qui était venu transmettre le parchemin a déjà vécu en Turquie puisque c'est du turc et il vous dit tout simplement que est écrit nul ne refuse l'écorcher. Hyper cryptique. Voilà. D'accord. Là, où tout de suite... Vous avez appris le turc. Est-ce que vous êtes turc? Vous avez appris le turc. Voilà. Par contre, ils vous disent que... dans l'état actuel du cadavre, ils sont dans l'impossibilité pour l'instant de trouver son identité. Ah bah ça. Pour l'instant, là, à l'heure actuelle des choses, ils ne savent pas qui il est. Ils ont juste... voilà. Et maintenant, ils sont en train d'essayer de comprendre un petit peu comment a pu atterrir cette personne ici, qui clairement a été posée morte. Il n'y a aucune autre explication possible. Je ne pense pas qu'elle serait venue là, écorchée et vivante, se poser dans la bibliothèque. J'aime le drama. Donc, voilà. Mais par contre, moi, j'ai une question. Pour le fait qu'il faut retrouver M... Ça tourne autour de beaucoup de Turcs. Mais le M, ça serait pas Mehmet, justement, la personne à qui on vole l'identité réellement, dont on utilise l'identité, Quand je suis allé là-bas, il était disparu. En tout cas, le voisinage m'ont dit qu'il était disparu. Il n'y a aucune trace d'effraction réelle chez lui. Il n'y a pas de bazar chez lui. Non, on dirait... Ce qui semble comme s'il s'était évaporé dans la nature. Écoutez, là, sachez que tu parles et il y a l'inspecteur à côté. Écoutez, vous êtes allé à son adresse ? Bah oui. Oui, oui. Mais comment vous avez... Enfin, qu'est-ce qui vous a... amené à aller chez lui ? Comme dit commissaire, c'était notre... attention vis-à-vis de Smith, on voulait valider notre thèse ou pas. Parce que moi, j'ai été envoyé ici et notre ami Emilio voir un peu s'il pouvait voir directement à la source. Vous voyez. Je comprends bien. Ouais. Vous voyez que cet homme est un peu plus dans l'action que moi. Moi, j'aime la sécurité réconfortante. Oui, je vois. Mais écoutez, oui, nous sommes allés à Tic, il est vrai. Nous n'avons rien trouvé de... Enfin, comme ça, là, de but en blanc, nous n'avons rien trouvé de bien... de bien intéressant. J'imagine. Après, il est vrai que ce Mehmet Makriat... de ce que vous m'en dites, a l'air de... d'éveiller un peu des interrogations. Quelqu'un d'introuvable, son nom est cité un peu partout. Ça peut être... c'est quelqu'un que nous allons peut-être un peu surveiller, hein, il est vrai. Que je puisse dire de plus, je ne sais pas... Nous-mêmes savons pas. Écoutez, bah ce que je peux faire, c'est que si vous avez d'autres informations à me transmettre, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, de mon côté, j'essaierai, parce que bon, maintenant je vais essayer de travailler avec vous, même si je ne vous demande pas d'enquêter. Hein, laissez la police faire son travail. N'essayez pas de faire l'enquête. Vous ne savez pas sur qui vous pourrez tomber. Vous pourriez vous mettre en danger. Hein, on ne sait pas. Donc, je m'essaierai peut-être de vous faire transmettre des informations si jamais nous en avons un peu plus. C'est fort agréable. Et faites attention à vous. Hein. Oui. Clairement, là, il y a beaucoup de gens qui paraissent, qui meurent ces derniers temps. Et ça tourne beaucoup autour de ce professeur Smith. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Sachez-le. Ah, nous espérons aussi. Mais vous comprenez pourquoi, du coup, ma première action a été de venir vous voir. Non, mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait, sachez-le. C'est honnêtement... j'espère que ça va bien se terminer, sachez-le. Écoutez, je pense que j'ai besoin de repos. Oui. D'ailleurs, j'aurais pu vous le transmettre, mais je ne l'ai pas fait. Voici l'inspecteur Fleming. Ah, je ne l'ai pas transmis, mais il est là. Ce n'est pas très grave, ne t'inquiète pas. Belle moustache. Voilà. Donc vous sortez tous ensemble du bureau de l'inspecteur. Toi, Nelson, tu commences un petit peu à te requinquer quand même. Hein, t'as le fait d'avoir pris un peu de temps, d'être posé, d'avoir un peu discuté. Tu vois que tes amis, parce qu'on peut les considérer maintenant comme des amis maintenant, sont avec toi. Vous commencez un peu à vous diriger vers l'extérieur. Venez à la voiture, hein, je vais vous raccompagner à votre manoir. Ouais, j'ai pris un bon bain et d'avant ce qu'on on a parlé ce matin, est-ce vraiment sécurisé comme lieu maintenant? Et surtout, est-ce qu'on devrait rester vraiment à Londres et pas partir directement pour Paris? Non, j'ai encore eu des informations à la bibliothèque. Et puis, je dois passer à l'ambassade. On pourra peut-être avoir des informations sur quelques étrangers turcs qui pourraient nous intéresser. Oui, c'est l'inspecteur qui m'a soufflé l'idée entre deux phrases. Pour ma part, j'ai reçu de la part d'un secrétaire à la bibliothèque de l'Oriental Club que le professeur Smith aurait été aiguillé sur des ouvrages, mais ces ouvrages sont présents qu'au British Museum. Après, je ne sais pas si vous avez découvert autre chose que ce cadavre, Nelson, mais... Répondez, Nelson. Oui, j'ai trouvé des indices qui pas la prochaine destination, peut-être, mais j'ai découvert que des rapports plus ou moins proches du simulacre d'Efkar, je n'ai trouvé que le simulacre du diable. Et quelques annotations, quelques notes indiquant que pour les seuls mots d'Efkar, j'ai trouvé que le parchemin de couvent jusqu'à la guerre ou après. Tu trouverais au Palace Museum de Topkapi, Constantinople. Donc. Alors, du coup, comme ça avait un peu coupé, tu coupais un petit peu, donc je vais juste résumer. En gros, donc, il a trouvé effectivement quelque chose qui s'apparenterait, qui serait proche du simulacre de cet Efkar, mais qu'en fait, qui serait intitulé le simulacre du diable, et que pourriez trouver plus d'informations par rapport à ce simulacre du diable, mais à la Bibliothèque nationale de Paris. Oui. Et ensuite, tout en cherchant par rapport à cet Efkar, parce que cet Efkar lui avait le mot en lui-même l'intéressait et il a un peu déduit que Cedefkar s'apparenterait plus à un nom, à une personne. Et qu'en cherchant dans la foulée, du coup, ça l'a orienté vers les parchemins de Cedefkar, parce qu'il a trouvé quelque chose qui mentionnait les parchemins de Cedefkar et qui, là, eux, ont été vus pour la dernière fois avant la Grande Guerre. Donc, Première Guerre mondiale, mais cette fois-ci dans un musée, le musée Topkapi, qui se situe à Constantinople. Okay, voilà. Il faudra faire peut-être un passage à la bibliothèque. Mais de toute façon, Constantinople fait partie des endroits où on a grand-chose à faire, donc. On a des affaires à y faire. Mm-hmm. Oui. Donc un arrêt de plus ou de moins dans la ville, je pense qu'on est passé après. Et juste avant que vous partiez, vous voyez l'inspecteur qui arrive en courant et qui a un truc dans ma main. Le post-it. Non, pas, il va pas te rendre. Vous avez votre de peau là. Non, en vrai, je voyais vraiment la scène du mec qui arrive. Et votre bout de peau. Et il te tend. Toi, Catherine, un journal dit c'est l'édition de demain. Je pense que ça pourrait vous être utile. Mais gardez ça pour vous. Je vois l'avenir. Mais non, parce que là, on arrive quand même en fin de journée. Donc, elle est déjà un petit peu imprimée, tu vois. Donc, lui, il l'a eu en avance. Et il vous donne le journal et il se barre. En mode wink-wink, wink-wink, et il s'en va, et voilà. Donc, vous faites quoi? Vous prenez le... De toute façon, on rentre, la vraie question, c'est du coup, est-ce qu'on peut... est-ce qu'on retourne au manoir, sachant qu'on a supposé que ça pouvait être un endroit qui a été repéré par les Turcs et qui peut être potentiellement dangereux? Ou est-ce que du coup on part se cacher dans un des hôtels de la ville? C'est pas ça qui manque à Londres. Peu importe, comme vous le désirez, je voudrais juste un bain chaud et un verre de scotch. Dans tous les cas, je pense que vous l'aurez, mon ami. L'hôtel Victoria, à côté de la gare. La gare qui mène vers... Vers le grand... Vers le sud de Londres, on prend un bateau, on va à Paris, bref, on sait le trajet, mais bon, bref. Donc, bah, du coup, vous montez dans le véhicule ? Dans un véhicule pour tourner quelque part ou... Oui, oui, bah, on a la voiture de Peter. J'en viens, il vous dit, je vois... Il vient d'aller... Il a... Oui. Il vient du musée. Il a trouvé, en gros, ce qui pourrait plus être intéressant pour... D'accord. T'as trouvé tout ce qui paraît assez intéressant. Bah, c'est... après, je sais pas. Bah, du moins, il a eu... il a cherché... m'est tombé sur la tête, là. Il a bien cherché. Sans dire exactement le jet qui... Il a bien cherché. Avec succès de type bien. Mais de toute façon, la question ce soir n'est plus à se poser. Je pense, rentrons, reposons-nous, surtout pour notre ami Nelson. Qui oui, parce que là, il se fait tard. Là, en gros, c'est une très longue journée. Là... Allez, 19h, voilà. 20h, tu vois. Allons se sécuriser dans un bon hôtel. Ok, donc est-ce que pendant le trajet, tu lis le journal ou pas? Bah oui, tant qu'à faire. Ok, donc sur la page de la première page, tu vois qu'il a écrit au stylo, comme l'a dit votre ami Emilio, je pense que ce Mehmet est plutôt, enfin, il y a quelque chose à creuser sur lui, tu vois. En gros, là je te dis, je vais pas envie de faire une phrase, machin quoi. Mehmet est suspect. Voilà. Mehmet. Il dit, et j'ai écrit, allez voir. Ah 6. Non, mais répète. allez voir. Allez voir à la page 6. Bon, bah, je vais écouter ce que me dit ce message et je vais aller voir à la page 6. Ah non, la page 6, tu vois ça. Il y aura de la musique, le héros. Ah, j'ai vu un petit logo de Toulouse, c'est sympa ça. Alors, bah, je vais lire à voix haute pour mes amis. C'est ça. Adam disparaît dans un nuage de fumée. Un cas de combustion spontanée, quel lien avec l'affaire du triple meurtre? La police enquête aujourd'hui sur la disparition de Monsieur Henry Stanley, 41, habitant de Stoke Newington. Les faits ont été signalés par sa logeuse, Madame Constance Atkins. Elle affirme avoir entendu un cri venant de la chambre de Monsieur Stanley, à l'étage autour de 8h. Comme il ne répondait pas à ses coups à la porte, elle est entrée. La pièce, mince, il n'y a pas de virgule, la pièce était pleine de fumée, mais il n'était pas là. Monsieur Stanley n'est pas marié, c'est un passionné de train appartenant à la London Transporter Association. Sa disparition pourrait être un cas de combustion spontanée, ce que la police refuse de commenter. L'Angleterre en a connu plusieurs depuis le début du siècle. Le plus récent est celui de Monsieur J. Tam Tolson, qui a péri brûlé dans sa demeure de Dartford, Kent, en 1919. Attendez, je vais zoomer un peu le texte, parce que je galère un peu à lire. Nous avons appris qu'un train miniature trouvé sur la place aurait pu provoquer l'incendie. Le disparu avait acheté ce jouet pour enfants la semaine précédente dans le magasin de Memhet Macriat, notre ami qu'on cherche. Nos lecteurs se souviennent peut-être que trois corps, tous identifiés comme étant Monsieur Macriat, ont été découverts en début de semaine dans la chambre d'un hôtel de Chelsea. La police n'exclut pas que les deux affaires soient liées. C'est ce qui va sortir demain. Non, je pense que c'est un accident. Je pense que ça n'a aucun lien avec... C'est un suicide, tu sais. Suicidé de 5 balles dans le dos. C'est ça. Non, mais effectivement, c'est très intéressant. Il était très résistant. Mais le lien qui pourrait paraître très minime avec Memhet, finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous apparaît plus... Plus impressionnant. Exactement. Voilà. De toute façon, reposons-nous pour ce soir. On fera rien de bien cette nuit. Non, mais gardons ça en tête. Écoutez, il a disparu depuis plusieurs jours. Tout a l'air bien rangé, bien comme il faut, comme s'il s'attendait à ce qu'il attende de la visite et du coup, il s'est cassé avant. Je pense que c'est faisable. Après, vu qu'il a disparu, qu'on le fasse ce soir ou demain matin à l'aube, je pense que... C'est pour pas alerter le voisinage. Bah, si on y va à l'aube, le temps de laisser à Nelson de se remettre de ses émotions. Je vous rappelle qu'il a vu un cadavre écorché. Et vous, le morceau de peau, ça vous a pas dérangé? Je suis quelqu'un d'assez forte mentalement. Je connais si... le cuir. Même si je dois vous avouer que j'aurais su, je n'aurais pas pris en main cette. Enfin bref. C'est une horreur, c'est une horreur. Du coup, vous faites quoi? Est-ce que vous décidez de vous reposer et ensuite d'aller le matin très bonne heure à sa boutique ou d'y aller comme Emilio veut, c'est-à-dire tout. Bah moi je vote pour la solution que j'ai proposée hein, parce que je l'ai proposée. Pas dit tout de suite hein, mais toi qui se repose un peu et partir dans les alentours de minuit. Avant l'aube si tu veux. Oui voilà, avant le lever du soleil quoi, genre. Ouais. 4h du matin. Voilà, ce genre de choses-là. Ouais, ouais, ouais, ça, c'est okay. Bon. Oui, bah, ça me va. Bon, on revient à mon idée, du coup. C'est moi qui gagne. Écoutez, ce que vous faites, c'est que vous retournez au manoir de Nelson. Nelson, tu vas tout de suite prendre un bon... Non, on va à l'hôtel. On voulait à l'hôtel, ouais, le Victoria. Ah, vous voulez à l'hôtel? Ah, ok, bah écoutez, vous prenez... Ouais, tu peux annuler la ligne attaque de Turc la nuit. D'accord, bah écoutez, vous prenez une chambre d'hôtel dans un hôtel plutôt confortable, hein, bien sûr, puisque Nelson et Catherine ne vont pas dormir dans un boui-boui. Il y a que moi qui m'en fous un peu. Vous prenez donc 4 belles chambres plutôt confortables dans un hôtel bien de bonne facture, hein, plutôt bien high selection, tu vois. Et bah toi, tout de suite, Nelson, première chose que tu fais, tu te prends un bain chaud avec un bon verre de l'alcool pour te requinquer un petit peu l'esprit, hein, parce que bon, t'as subi quelque peu aujourd'hui. Désembrumer en m'embrumant. Voilà, c'est ça. Un petit peu, peut-être que certains vont commencer à noter un petit peu tout ce qu'ils ont fait à droite à gauche pour un peu mettre à plat toutes les infos, parce que vous avez eu énormément d'infos depuis quelques jours. Hein. C'est ça, en même 2 jours, ça fait 2 jours, hein, littéralement. Donc voilà. Et vous allez vous reposer, peut-être manger un bout, peut-être encore un petit peu discuter de tout ça avant d'aller vous coucher. Et dans 2 semaines, vous irez, ça c'est au joueur, du MJ au joueur, hein. Vous irez le lendemain matin, enfin le lendemain à 4h, voir cette fameuse boutique de Mehmet Makriyat. Ah là là, dans 2 semaines, ça sera demain. On va lui faire la peau, on va lui couper la peau, et on va faire des parchemins avec, et on va lui envoyer.